Pendant que vous allez manger, s'il vous plaît, mangez avec vos lèvres, avec la dent, avec la bouche, mais gardez les oreilles ouvertes. C'est les femmes qui sont à la cuisine, s'il vous plaît, venez vous asseoir, on commence. Ma soeur, ça veut dire que c'est toi qui es concerné. Viens t'asseoir, c'est comme ça, on va bien voir ton visage pendant que ce qui va se passer. Oh yo. Oh yo. Tu imagines ce qui se passe ici? Même pas. Même pas. Merci beaucoup, Seigneur. Assieds-toi là. Tu imagines ce qui se passe? Tu vas se suivre. Je crois que c'est ce qui s'est passé dans les autres dénonciations. Ok. Donc, tout le monde est là. On peut commencer. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. Que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ imprègne son amour, l'amour de Dieu le Père, en vous. Amen. J'espère que vous dites amen, vous comprenez le poids. C'est-à-dire, si quelqu'un dit n'importe quoi de moi, que ce soit vrai ou faux, que j'aime toujours la personne de la bonne manière. D'accord. C'est toi qui dis ça maintenant. Hein? Ok. Si vous êtes prêts, on va y aller. Are you people ready? Yes. Je ne vais pas, parce que c'est que ça va choquer. Je veux que vous écoutez avec l'Esprit du Seigneur et que vous restez tranquille. Votre émission Retour à la Parole, il est 18h02 et nous sommes en direct sur Dynamique FM 103.9 et par la grâce du Seigneur nous... Dynamique FM, c'est là où je prêche chaque vendredi à 20h et 20h30 et 21h. C'est dans la même radio que ça ne s'est passé et c'est une radio païenne et apparemment cette émission se passe 18h, les 18h le dimanche. J'ai besoin de vous expliquer pour que vous compreniez ce qui ne va pas. Cette émission-ci se passe dans la même radio où je prêche. Moi, je prêche vendredi à 18h. Nous parlons des serviteurs de Dieu, là. C'est dans la même radio. La même chaise où nous asseyons. Même micro. Même radio. Nous tous, nous appelons serviteurs de Dieu. C'est sur cette radio du monde que cette émission-ci se passe les dimanches. Vous êtes d'accord? Hein? Voilà, c'est bon, allons-y. Donc, nous sommes assez nombreux ce soir sur le plateau. Donc, si on peut se présenter. Donc, d'après ce que le présentateur dit, quand on peut que le présentateur avait posé la question tout à l'heure, ils sont assez nombreux ce soir. Donc, souvent, ils ne sont pas nombreux. Donc, pour l'occasion, ils sont nombreux. Donc, pour l'occasion, c'est ça, c'est sa parole qui dit. Donc, pour l'occasion, ils sont nombreux. Nous sommes dans la deuxième partie là maintenant. Nous avons planqué le décor sur tout ce que nous avons eu à parler là. Nous allons les retrouver dans cette émission. Et vous allez en juger. Je dis ceci, vous aurez la vérité. Vous aurez écouté et ce qui est dit ici, la sécurisation et les choses qui sont dites ici. Et je serai quitte maintenant devant vous. Je recommence encore. C'est la dernière fois que de telles choses se passent et que je vais parler. Même, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura d'autres accusations plus graves que ceci. Ça, je ne me tiendrai jamais devant un être humain pour dire oui ou non. Je vous le dis maintenant que ça n'arrive. Je ne me tiendrai devant aucun être humain sur la terre pour dire ce qu'on dit de toi est vrai, ce qu'on dit de toi est faux. Chacun va tirer sa conclusion. Vous savez, je n'ai pas besoin de citer verset biblique pour ça. Verset biblique, on en cite. Et ici, il y aura des versets bibliques. Versets bibliques que vous connaissez. On y va. Maintenant, je vais écouter cette voix. Si je ne connais pas la personne qui parle là, je ne connais pas les personnes qui sont là-bas, ils ne me sont pas familiers. Je vais dire si je ne connais pas les personnes. Vous, si vous les connaissez, je vais vous mettre une pause. Vous allez me dire qui sont ceux-là. Écoutons. François, bien-aimé. Qui parle là, le présentateur, c'est qui? Qui est le présentateur de cette émission, Frère? C'est Hervé. Donc, c'est Hervé dont on parlait aussi, qui a parlé là. Comment tu as reconnu que c'est Hervé? Sa voix. Tu connais sa voix? ouais, comment, c'est elle-même la Sandrine, donc qui était concernée, qui connaissait entre eux là. Donc c'est Hervé qui en a parlé dans cette émission. Et apparemment, il est enthousiaste, il est content, ils sont nombreux pour ce soir. Écoutez très attentivement, votre réaction est un peu, vous dites, comme si vous êtes fâché contre lui, j'arrête. Je ne veux pas laisser la réaction là, je veux que même s'il y a n'importe quoi en vous là maintenant, qu'il puisse réagir, priez pour lui. Et priez pour tous ceux que vous allez entendre là-bas, même si on dit n'importe quoi de moi, même si on dit n'importe quoi de vous qui vous concerne, ce que je vous demande, c'est de prier pour eux. On est tous d'accord? Bougez la tête comme le lézard, mais j'entends quelqu'un dire, vous allez, tout à l'heure j'arrête. Priez dans le Seigneur Jésus-Christ, moi c'est le frère Salomon. C'est le Salomon dont on parlait tout à l'heure là. Donc c'est Salomon qui t'a dit, qui t'a chassé, c'est lui. Ok, donc il y a Hervé que tu as cité, il y a Salomon. Enfin, celui qui a dit qu'il est Salomon, il veut savoir si c'est le même Salomon. Ok. Bonsoir frère, soeur, moi c'est le frère Étienne. Tu le connais, celui-là. C'est... Qui connaît le frère Étienne? Bon. Toi, je suis le frère Marcelin. Tu le connais? Et encore. Toi, tu le connais? Mais qui dit oui là-dedans comme ça? Donc, tu le connais aussi, hein? Ok, avançons. Beaucoup d'autres personnes, mais étant donné qu'on est assez nombreux, si on commence à tous à se présenter, ça va prendre beaucoup de temps en tout cas. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur. C'est un conducteur ici qui dit qu'il bénit le Seigneur. Pour sa grâce. Souvenez-vous de la tactique de Georges Namakana, j'avais mis la vidéo ici. Il commence par prier le Seigneur. Invoquer le Seigneur Jésus-Christ qui est le juge. Plus il va mentir. C'est ça qui m'étonne. D'abord, il bénit le Seigneur. Un être humain a-t-il le pouvoir de bénir le Seigneur? Il bénit le Seigneur. C'est un dirigeant qui a le Saint-Esprit. Il bénit le Seigneur ainsi. Sa Bible enseigne que, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, c'est pour dire que c'est lui qui est le supérieur des dieux. Avançons, les dieux, de toute façon, c'est pas. Ce sont les docteurs, on ne peut pas les corriger. Bien, vraiment, pour son amour. Hein. Donc, je crois que c'est une émission spéciale. Je crois que ça a été annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, cette émission-ci, c'est vraiment spécial. Les gens sont là, ils sont nombreux. Ouais, c'est spécial. Tellement qu'on ne peut même pas présenter. Parce que normalement, dans le studio, il y en a trois micros. Un là-bas, principal, et deux ici. Mais je suis sûr qu'ils ont dû demander d'autres micros pour l'émission spéciale. Donc, ils ont annoncé ça sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous comprenez ce qu'il veut dire. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire que WhatsApp, Facebook, ainsi de suite, pour dire que soyez au courant de tel événement. Je vais vous dire quelque chose. Depuis 2009, depuis quand j'avais commencé, il y a des gens avec qui ma femme me disait, il dit, telle personne, si tu vas me travailler bientôt, ça va aller comme ça. Je ne dis plus ces choses-là, parce que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis que Dieu te réveille comme ça, et puis tu parles comme ça. Il dit que telle personne va faire telle chose, ça arrive, la personne fait comme il se dit. D'autres même, j'avais dit que toi, j'étais vu glisser sur un peu le donneur, j'étais avancé. J'avais dit ça au milieu de l'assemblée. Voilà. Ne le cite pas, le contraire, Il dit, mais il parle devant tout le monde. Il dit qui, moi, frère, je ne peux pas. Deux semaines, Philippe, il est parti. Philippe, il dit, mais c'est pas parti, c'est chuté. Il y a des choses que, comme je disais à propos, des choses sont écrites. Par rapport à ce que j'ai dit à ma femme, que écrit ceci. Quand ça va commencer à accomplir, 1, 2, 3, je vais dire, prends ici, donne le cahier à quelqu'un lit. Parce que des choses ont été dites par rapport à cela. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'une vision a été donnée depuis 2012 concernant ceci. Hein, mes frères, souvenez-vous de cela. Donc, il dit que c'est une émission spéciale. C'est vraiment tout à fait spécial. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait un style d'émission comme ça. Parce que cette émission-ci est spéciale. C'est-à-dire quoi? Pourquoi sont-ils dit ceci? Ça veut dire que. Ce n'est pas la première fois que tout le monde a touché la conférence. J'ai laissé exprès le cadre de la conférence que nous avons organisée en 2012 parce qu'il y a une situation. Quand la conférence avait été organisée par Ndongo, comme l'autre s'est admis, qu'il voulait chercher à savoir comment, si oui ou non ils vont aller. Apparemment, ils ont envoyé. Oh, le frère Sam, entre ici. Parce que c'est toi qui étais au coordinateur, l'adjoint du frère Ndongo. Je quitte d'abord, frère Sam, s'asseoir là-bas. Je ne peux pas le devoir. Voilà, voilà. Donc, apparemment. C'est le frère Sam était l'adjoint des frères Ndongo. J'ai dit ceci sous votre regard et sous la conduite du Saint-Esprit. Dieu nous voit. Apparemment, je ne suis pas dans les polémiques. Les Jimmy qui étaient là avec les c'était même pas à celui-ci. Il y avait d'autres qui cassaient la tête à Levé Ndongo. Chaque fois, il venait pleurer à moi. Et Claire Andou, quand on la blessait, elle courait vers moi. Frère, je ne tue à 3 heures, ils sont dormis, elle appelle. Ma femme dit que j'avais dit que Nama, Claire Andou sont priorités. S'ils appellent n'importe quoi, ce sont n'importe quel problème, fais-les passer. C'est ce qu'il lui avait dit. De telle façon que quand Ivan Castano et les gens, Alain Tchegué, merci, ça c'est mon rêve semblable. Quand, c'est quoi cette histoire? Quand ils avaient des problèmes avec Nama, J'entends souvent pour mon frère Junior. Allez, je m'a insulté. Mais le frère, vers qui on part pour prier, demain devient un diable subitement. Donc ils ont commis au service le diable. Tu lui parles. Alors, quand Clendon a des problèmes, vous savez comment il crie. Wow, frère Junior, tu m'as soeur, calme-toi doucement, c'est quoi? Donc c'est la même chose avec Nongo. Je suis le sapeur pompier. Ou mieux, j'étais le sapeur pompier. C'est bien d'être dans cette position. Vous savez, il y a des gens dans la maison, des choses dans la maison qu'on perd de vue leur importance. Quand vous mangez à table et que ça se verse là-bas, il y a un instrument là qui est important à ce moment-là. On l'appelle là la serpillère. Quand le torchon, quand on essuie la table avec, votre table est bien, mais vous ne reconnaissez pas le travail que le torchon a fait. Je suis le torchon. Et ça me plaît dans ce domaine-là. Vous voyez ça, frère? Ouais ça frère, la bouille vous a seulement aveuglé ou quoi? Amen. Ouais ça frère. Amen. Alors quand Olivier Nongo, apparemment, je dis apparemment, c'est celui-ci qui doit d'abord confirmer, apparemment, je ne sais pas si ce sont des gens de Denver, celui qui a parlé là, qui a envoyé un message à Olivier Nongo, puis Olivier Nongo lui a retoqué un autre message aussi. Ah ah, viens ici. Viens ici. Donc vous voyez que Dieu lui a mis des choses au clair aujourd'hui là. Viens nous dire que c'était au téléphone, tu vas nous donner le contenu du. Du message. Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. On a dit que cette émission c'est spéciale. J'en ai parti de là parce que c'est d'ici que vient le problème. C'est depuis là que vient le problème. Pour Georges Nama, ce n'est pas la semence du serpent qui est trop le problème. C'est la divinité de Jésus dont nous avions parlé et qu'il n'a pas pu se tenir devant moi avec ses différents versets qu'il peut prendre. Parce que chaque verset qu'il prenait dans la Bible, j'ai parlé de lever la main en lui présentant Jésus. Parce que tu lis la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Un point, un trait. Même si tu dis n'importe quoi, même s'il y a Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, il y a quand même un Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Fin de citation. Viens ici. Ta bouche, tu as mis la bouille, maintenant ta bouche parle. Donc, j'étais en train de dire que, apparemment, à la conférence, parce que je suis en train de dire parce que Olivier Nongo est venu me parler. Je me concentrais pas sur ces choses-là. Parce que mon rôle était de donner la nourriture au peuple. Au peuple. Alors, Olivier Nongo, apparemment, parce qu'il est venu, mais je ne me souviens plus bien de cet événement, il est venu vers moi, il s'est fâché. Voici ce qu'il a tenu. Il a dit que ceux-là croient qu'ils ont le monopole du Saint-Esprit. Enfin, c'est la parole normalement, c'est ça. C'est son expression de moi. Tu as dit qui a utilisé ton téléphone? Non. Allez, ça dans la bouche. Hervé, donc, Hervé, que nous avons entendu la voix dans cette radio-ci. Donc, en 2012-là, il a utilisé ton téléphone pour envoyer le message à Olivier Ndongo. Quel était le contenu du message? En fait, il est venu me trouver, j'étais chez une soeur. Oui. Il m'a dit que son téléphone était déchargé. Oui. Que je lui passe mon téléphone. Oui. Alors j'ai donné mon téléphone et il a fait un message. Après, il m'a demandé, tu connais le numéro de Ndongo? J'ai dit que oui. Il dit qu'il veut comme ça envoyer le message à Ndongo. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Que lui, Hervé, n'est pas d'accord par rapport à la conférence. Je vous ai dit que. Ce n'est pas de Dieu. Voilà. Je vous ai dit que. En toile de fond, ce qui s'est passé, c'est commence depuis 2012. Et je vous ai dit que la vision qui m'a été montrée, c'est depuis 2012. Voici là où la source du problème commence. C'est pour ça que cette émission, c'est spéciale. C'est-à-dire qu'on cherchait une occasion favorable. Une occasion favorable. C'est ce qu'on peut s'appuyer pour donner. C'est exactement ce que Georges Nama m'avait dit. Quand on a fait 10 heures de conférence, on a travaillé de 20 heures jusqu'à 13 heures. Maintenant, ça me l'avait là. On a travaillé de 20 heures. On a commencé à 20 heures, deux jours comme ça. Là. Parler ensemble jusqu'à 13 heures le lendemain. Ou jusqu'à 10 heures le lendemain. On a fini. Il a dit, Adam, mes oreilles, ma femme écoutait, il dit que Junior, je vais te démonter. Voilà ce que quelqu'un qui sait, Dieu peut dire à quelqu'un qui s'appelle son frère. Il dit qu'il va me démonter. Et par conséquent, il faut que je cherche des choses qu'il va mettre. Ces choses, il dit que je ne me justifierai plus. De telle façon que si quelqu'un prend position pour lui, il prend position pour lui, il suit ce que Dieu va faire. Si quelqu'un prend position pour moi, qui prend position, il suit ce que Dieu va faire. Il ne viendrait plus sur la scène pour parler de ces choses-ci. Donc, la semence du serpent, je peux reconnaître que c'est coriace. Si quelqu'un me dit, tu es sataniste en enseignant ça, je ne tiendrai pas ceci de compte. C'est-à-dire que si quelqu'un suit cet enseignement, il dit que Frère Junior, tu es sataniste. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit d'abord que Frère Junior, tu es sataniste. Je ne sais pas comment frère peut être sataniste. Maintenant, si on dit Frère Junior, tu es sataniste, je peux comprendre que la personne ne saisit pas. Il faut tolérer de telles choses. Mais de quelqu'un d'aller prendre, souvenez-vous, au nom du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit qu'il prie pour la grâce que Dieu a donnée aujourd'hui. Il dit que Dieu a donné ça aujourd'hui, mais ils ont annoncé l'émission depuis. Donc c'est pas aujourd'hui que Dieu a donné. Dieu a donné ça depuis, ils ont préparé ça depuis. C'est pas ça, frère. Mais il dit que c'est aujourd'hui, là, le moment où il parle là. Cette émission, si c'est passé dimanche, nous sommes mercredi. Donc cette émission s'est passée dimanche-ci. Dimanche c'est le premier. Donc ça c'est le 1er mai. La fête du travail, on travaillait sur moi. C'était la suite, hein? Attends, donc ça, ils ont fait ça combien de fois? Ils ont 6, ça dit que ça s'est passé le dimanche le 1er. Oui. C'est que c'était la suite. Bon, attends, il lit ce qui est écrit là-bas, sur la fiche. Émission radio diffusée tous les dimanches des 18h à 19h. Bon, il n'y a pas la suite ici. Bon, c'est pas le nom ici. Bon, je lis le titre ici. Bon, si il lit derrière, ça peut être, vous allez, si il lit le titre, vous allez me dire que Frère Junior arrête. Bon. Donc, ils ont fait depuis la semaine passée. J'étais à l'ouest. Ah, donc, j'étais à l'ouest. Dimanche là. Attends, donc j'étais encore à Bafoussam, ils ont fait une émission. Dimanche. Donc ça c'est la deuxième partie. Si. Ou bien. Si on a fait l'autre. Ou bien si c'est si c'est. Ou bien peut-être la rédiffusion. Bon, de toute façon, je ne sais pas. Bon, on va suivre ici la date et le jour. D'accord. Ah, pour la personne qui était ici aujourd'hui. Ils ont fait ça la semaine dernière. Viens là, ma chérie, on n'a pas fini. Que Dieu vous bénisse. Restez vraiment tranquille. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Amen. Souvenez-vous que ça ne soit pas l'objet des calomnies. Ne sortez pas ici pour aller raconter aux gens. Sortez et rentrez dans la méditation. Parce que ce que vous dites de quelqu'un aujourd'hui, on va dire quelque chose de vous demain. Donc, ce Hervé qui a parlé sur ces radios avait pris ton téléphone. Nous sommes en 2012. Il a pris ton téléphone pour envoyer le message à Ndongo. Et il t'a demandé le numéro de Ndongo. Tu lui as donné. Est-ce que tu connais le contenu du message qu'il a envoyé à Ndongo? Il a envoyé le message. Il a dit ceci. Oui. Qu'il n'est pas d'accord. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'il n'est pas d'accord de la conférence. Oui. Que ça ne vient pas de Dieu. En fait, c'est toi qui suis. C'est toi qui voulais. Stop. Après. Vous avez suivi? Vous avez suivi? Vous rappelez de la vision que je vous ai racontée, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu d'intercation avec ce garçon qu'on appelle Hervé. Lui. Lui et moi, on ne s'est jamais assis comme ça parler. Jamais. On ne s'est jamais assis comme ça parler. C'est un peu comme aujourd'hui, j'étais ensemble avec le frère. Voici le frère, on était au marché ensemble. Voilà mon épouse, on allait faire le marché ensemble. C'est un exemple qui vous prend. Je suis venu ici une fois, je vous ai dit que je suis allé au marché, à ce même marché. Une fois, je vous ai raconté ça ici. Une fille me draguait parce qu'elle a pris le numéro de ma... J'ai dit à ma femme que, attends, la fille s'est me draguer. Vous vous souvenez de ça? Aujourd'hui, nous étions là-bas. Le garçon, voici le frère, la question de parler sur sa conduite. Le garçon qui était allé prendre le numéro était avec ma femme dans le marché, était avec le frère là-bas. Elle dit à ma femme que... Ton mari cherche des femmes. La fille de la dernière fois, tu sais que... Parce que j'ai appelé ma femme, parce que en fait, le numéro de la fille là ne passe plus. Ah, c'est quand même terrible. Il dit qu'il y a des choses... Souvenez-vous, c'est moi qui étais la cible. La fille m'avait donné son téléphone, le numéro de téléphone qu'on avait pris là-bas. J'ai appelé, j'ai dit à ma femme que ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on fasse rendez-vous avec elle. Elle m'a donné la zone où elle habite. Et justement, la zone qu'elle habite, elle proche de ses frères-ci. Le frère Olivier, là où il vend, là-bas, là où il a son comptoir. Ce qui fait que comme elle est à proximité, je suis venu là-bas avec ma femme, il dit à ma femme que reste à côté du frère Olivier, comme ça il vient appeler, si elle vient ici, on va s'asseoir, on va causer, pour que tu vois, on voit comment on va faire ça, qu'elle vienne à la maison. Alors on a appelé, j'ai appelé son numéro, n'a pas sonné. C'est plus tard donc que le garçon qui, parce que quand ma femme va au marché chaque fois, ce garçon le sait des coursiers. C'est ce garçon-là qui connaît la fille. Je lui ai dit, mais pourquoi il a appelé son téléphone pour pas ça? Elle dit qu'on avait agressé son numéro, là elle est fini. Son téléphone est perdu. C'est pour ça que ça ne passait pas. Je lui ai donc dit que, ok, va donc prendre le nouveau numéro. Comme je suis dans la voiture, j'appelle donc ma femme qui est avec lui dans le marché. Je dis que, dis à celui garçon-là que, envoie-moi le numéro donc de la fille-là. C'est à ma femme qui dit, dis à ce garçon de prendre le numéro de la fille et me communiquer par téléphone. Alors maintenant, c'est ma femme qui rentre, je me dis, elle lui dit que, ben, tu te demandes le numéro comme ça, tu sais même qui il veut appeler. Ma femme dit, oui, je sais que c'est la fille qui était ici. Elle dit que, c'est une bamoune, elle donne les charmes aux hommes d'autrui. C'est ce qu'il dit. Après, il raconte à ma femme que la fille, la dernière fois du rendez-vous, elle m'a raconté comment ça s'est bien passé jusqu'à... Il dit que tu m'as donné un bon type. Ne riez pas. Ce sont les choses qui m'arrivent ici dehors. Donc, c'est la fille qui raconte. La fille, si elle la voit même physiquement, elle doit plus la reconnaître. Donc, la fille, elle a raconté. En fait, parce qu'ils sont au marché ensemble. Le garçon lui a demandé que, mais, le monsieur qui t'a pris ton nom, la dernière fois que tu as pris son nom, comment ça s'est passé? Elle a dit que, et le garçon raconte qu'elle lui a même donné le jus. Que bois le jus parce que tu m'as donné un bon type. Quand ma femme a dit cela au téléphone, j'ai dit que je l'attends ici. J'ai dit, quand elle va venir, il faut que je sois en train d'écouter comme ça. J'ai dit à faire la voix que voici. Que écoute, pendant qu'elle sera en train de lui poser la question, sois au courant. Quand elle est venue, je l'ai tiré de ma femme. J'ai dit que la fille t'a raconté comment le rendez-vous s'est passé la dernière fois. Il dit que oui, il a dit comment, il a commencé à dire que grand frère, fais attention avec elle, hein. Elle va te prendre. Il dit comment frère, que c'est une bamoun. Il dit qu'elle utilise le charme, elle va te prendre. Il dit qu'elle va te prendre comment, j'ai quoi. Il dit que quand vous êtes bien comme ça, là, elle aime les hommes bons comme vous. Il dit qu'elle va te prendre. Il dit que elle a dit que la réunion s'est passée comment. Elle a dit qu'elle m'a même donné le jus, non, que j'ai bu le jus, que non, tu m'as donné un bon type. Vous voyez, je n'ai jamais rencontré. Que tu l'as promis de l'amener à la foi. Que j'ai même promis à l'amener à la foi. Vous entendez des choses vraies? C'est terrible seulement. C'est terrible. Donc, cette soeur, si vous avez qu'elle a beaucoup de choses dans le ventre, Dieu merci qu'on a fait un pause pour boire la bouillie. Sinon, on n'aurait pas entendu l'autre aussi. Et elle est avec nous depuis, des choses sont passées derrière notre dos. Et qu'elle est au courant. Et bien, je rends grâce à Dieu qu'elle n'ait pas dit ça parce que ça serait des rapportages. Mais Dieu a voulu que ça sorte aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le but du message, même en fait, c'est moi qu'on recherchait. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'ils ont passé par Dongo. Moi, je suis quelqu'un qui. Je vous ai dit que je suis un torchon. J'absorbe. Quand les Jimmy et le frère si cassaient la tête de Olivier Dongo, c'est chez moi qu'ils venaient. Le frère, ça a été le premier qui est venu chez moi. Et quand je venais prêcher chez Olivier Dongo, c'est lui qui leur disait qu'ici, il y a quelqu'un d'authentique qu'il faut aller chez lui suivre la parole. Ce sera chez le frère Junior. C'est ça ou c'est pas ça, frère? C'était ça. Quand il a vu que les gens ont venu, c'est pas parce que c'est vous qui me réclamez là-bas que ouais, dites au frère là de venir prêcher là-bas. Parce qu'il est venu prêcher, c'est différent. Quand je commence à prêcher, l'atmosphère change. Ils savent que quelqu'un d'autre de spécial se trouve là-bas. C'est ça ou c'est pas ça? Alors il a vu donc que le frère est venu un jour. Ce frère, c'est le frère Samuel. Il est venu, j'habitais encore en ce moment-là chez mon beau-père, donc à Lokpoum, dans la chambre de mon épouse. Je le dis devant le Dieu vivant et il est ici devant. J'ai dit comment l'assemblée de Lokpoum a commencé. Lui, il est venu la nuit là, dans la chambre de mon épouse où nous dormions. On a ouvert le coquille. C'est le pistache. Le bongo. On a mangé là. On a commencé à parler de la parole. On a eu chaud dans la chambre. On est allé au balcon. On a dit pourquoi ne pas aller en plein air. Non, pas, ça c'est la terrasse qu'on est sorti. Puis on est descendu en plein air en bas dans la cour. On s'est assis là-bas sur une chaise blanche. Il avait sa chaise. J'avais ma chaise. Mon épouse avait sa chaise. On mangeait en parlant. Deux jours, on était quatre. Trois jours, on était 50. C'est comme ça que ça a commencé. Je n'ai jamais ouvert une assemblée avant de commencer. C'est venu comme ça. Ça allait de bouche à oreille. J'ai dit à ma femme que chérie, si toi et moi, on fuit la ville, on va à l'Olodof, on passe, quand je suis dans les forêts, je m'assois là-bas, je cultive le macabre, je dis Seigneur, tu es Seigneur, il va envoyer les gens là-bas. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit cela. Que si on fuit, on va n'importe où. Je m'assois quelque part. Que ce soit dans une forêt, les gens viendront. Elle a témoigné ces deux jusqu'ici à la maison. Les gens sont il est à la maison, les gens commencent à venir à la maison qui sont à côté. Papa, on ne savait pas que tu étais ici. Donc je croyais qu'en fuyant en passant là-bas, il partait me reposer. Voilà encore le travail qui a commencé là-bas. Au moins déjà, toute une personne, au moins une cinquantaine de personnes sont déjà là comme ça que on va commencer à venir chez toi pour la prière. Ou bien viens chez nous pour prier. Vous voyez? Oh, j'ai fui mon homme, ça il faut aller là-bas pour me cacher. Les gens croient peut-être que j'ai dit que non, il faut que je. Vous allez suivre ceci. Vous allez suivre ça là-bas. Que je suis un mendiant. Je bouffe l'argent des gens. J'ai fait la doctrine de présentation de l'enfant au Seigneur. Donc quand on accueille des bébés ici, je présente au Seigneur. Les gens qui n'ont jamais mis pied, qui ne connaissent pas ce qui se passe, ils ne connaissent pas la doctrine que je prêche, disent des choses et ils disent que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous allez suivre ça là-bas. Et il dit, tu sais, vous allez entendre là, comment quelqu'un dit que le Seigneur me met à cœur ceci. Alors, pourquoi dis-tu que j'étais la cible? Parce que, en fait, Hervé dit ceci. Il disait ceci à ces gens. Oui. Il dit que bon, on voit que entre. Parle fort. Entre le frère Dongo et toi, il voit que c'est toi qu'on va envoyer au Gabon. Stop. Vous avez suivi? Donc, je suis tranquille comme ça. Les gens sont en train de décider pour moi. Donc, ils cherchent qui va envoyer. Ils vont envoyer au Gabon. je sais pas quoi. C'est devant vous que ça allait sortir, non? C'est devant vous que ça allait sortir. Ils cherchent qui vous envoie au Gabon. Ils vous envoient un message à Olivier Dongo. Dongo le réplique comme il sait faire. Il les met à leur place. Et en fait, le venu me dit, il m'a pas dit de continuer, mais ça, il m'a seulement dit que ceux-là croient qu'ils ont le monopole du Saint-Esprit. C'est ce que j'avais entendu sortir de sa bouche. Il dit, toi-même, tu avais vu cela. Tu avais lu le message. Vous aimez où là avec moi là? Donc vous êtes ceux qui sont à côté de moi, comme ça, vous connaissez les choses, mais je ne connais pas. Toi, si tu avais vu cela. Ah, tu as vu le monopole de savoir. Ça les a choqués, n'est-ce pas? Ça les a mis dans tous les états. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de me contacter. Ils m'ont contacté en disant ceci. Ne participe pas à cette conférence, car Dieu n'est pas derrière. J'ai dit, ce sont des gens à qui je n'ai jamais causé. La dernière fois, quand je suis allé voir deux fois. Première fois, quand je suis à la côte, il est venu ici, il a vu les gens là où j'enseigne, qui sont allés avec le foulard, comme ça, qui vous a mis des bouts de tissu là. Il a dit que non, c'est trois fois parce que je suis allé avec lui, on a causé. Avec Olivier Dongo. Voilà, lui, moi, Olivier Dongo, on s'est d'abord assis. Je crois que c'est là où j'ai donné la vision que j'ai eu de lui, que je vous ai raconté, que j'ai vu qu'il est venu ici, il avait bagarré avec quelqu'un. Avec Olivier Dongo. Et on a parlé de la Trinité, ça c'est autre chose. Maintenant, deuxième fois, maintenant, je suis allé avec mon épouse le voir. C'est mon épouse qui est située. Quand on sortait de là, j'ai dit à mon épouse qui va revenir sur beaucoup de doctrines, il est seulement embrouillé. C'est ce que j'avais dit. Et je vous ai toujours dit ça. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Donc, je le vois première fois là où il habitait. C'était ici à Makepe, quelque part ici. Première fois, c'est où il habitait. Tout à côté de mon maman bureau ici, derrière là, où il logeait. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Deuxième fois, on s'est rencontrés encore avec là-bas avec mon épouse. Troisième fois, cette nuit-là, où vous avez, on a dit qu'il nous a appelé, il a prié pour nous. Après ça, plus rien, plus de contact. Mais quelqu'un dit qu'il va nous envoyer au Gabon. Il y a quelque chose qui se cache dans le fond parce qu'il y a une radio qui devait ouvrir. J'ai dit qu'il peut mettre à leur service la relation qui me concerne. Il croit peut-être que je voulais m'investir là dans l'œuvre. Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre des choses. Ils croient que les choses du Seigneur, c'est pour eux. Ils croient que, comme donc, je crois que donc, avait raison, qu'ils croient qu'ils ont le monopole et ça, ça les a choqués. Moi, je ne réponds pas aux gens pour les choquer. Je dis la vérité. Amen. Alors, donc, ça veut dire qu'ils ont su que Ndongo n'est pas malléable. Mais celui-ci est un peu malléable. Ils croient que, comme je suis diplomatique, comme je fais comme ça, je suis manipulable. Non, on ne me manipule pas. Alors, ils ont vu que non, c'est le. Au moins, Junior peut comprendre. C'est pour cela qu'ils m'ont envoyé le message. Ils ont envoyé le message en disant que ne passe pas à cette conférence. En fait, ils ont envoyé les gens pour venir suivre cette conférence-là. Pour voir s'ils veulent prêcher. Ils étaient derrière. Ils les ont vus dans la salle. J'ai ri. Ils étaient là. Voilà, c'est les gens qui étaient à la porte. Voici les gens qui étaient adhérés avec les choses. Elle avait m'avoir appelé même la veille pour la conférence. Elle avait la conférence midi. J'ai appris que tu es proche de Ndongo. Oui. De Jabda. Oui. Dis au frère Eddy de ne pas participer à cette conférence. Pourquoi tu ne m'as pas dit alors? Tu me dis en 2016. C'était plus nécessaire parce que la conférence avait lieu le matin. Mais qu'est-ce que toi tu lui as répondu? Dans la nuit. Oui, qu'est-ce que tu lui as répondu? Mais je lui ai dit que pourquoi c'est toi tu ne lui as pas dit. Oui. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'en fait c'est parce que je sais que tu es les proches. Il peut mieux t'écouter que nous. Vous entendez ça? Mais moi, je t'ai rencontré, ma caméra était là. Ta caméra était là, peu plus. Donc, mes frères bien-aimés, la chose dont la situation se passe, c'est depuis 2012 que ça se prépare. Donc, là, ça dit la colère, le ressentiment. Vas-y, m'asseoir, c'est compris. Merci. Merci d'avoir donné ton téléphone à frère Hervé, pour que frère Hervé écrit à Ndongo, que Ndongo l'insulte et qu'il me cherche à aller au Gabon. Donc, en toile de fond, le problème de la colère, ce qui va se déverser là-bas, commence depuis 2012. Exactement comme pour Ndongo, pour Nama. C'est commencé avec la doctrine de la Trinité face à le baptême au nom du Père, Fils et du Esprit. Là où ça a commencé, il a cherché. Et il m'a regardé comment quelqu'un reste à la télévision. Je vous avais mis ça ici. Il dit, je rends grâce à Dieu. Nous ne savions pas que Junior avait les enseignements cachés. Mais grâce à Dieu, nous avons eu ces enseignements. Il dit, c'est un sorcier. Il dit, écoutez la prière. Il dit, grâce à Dieu, nous avons cru. C'est moi qui ai envoyé l'enseignement à Nama, avec sa contenu dedans. Il dit, grâce à Dieu, il a eu ces enseignements. Il ne savait pas que j'avais les enseignements cachés. C'est ce qu'il a dit pour m'accuser. C'est moi qui lui ai envoyé l'enseignement. Que voici l'enseignement. Que j'ai un enseignement caché. Donc Dieu est venu voler ça ici. Lui donner parce qu'il est serviteur de Dieu. Et il dit cela en plein écran. Après avoir prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes soeurs, bien-aimés, frères et soeurs dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Après, ça va dire ça dans la bouche. De la bouche. Si. Que Junior enseigne que le péché originel, c'est les rapports sexuels. Tu demandes où est-ce que Junior a dit cela, il ne peut pas dire. Parce qu'on a. C'est pour ça que mon Dieu fait pour le confondre. Parce qu'on a soif de dire des choses contre ceci en disant cela, il se mélange, il s'entrechoque. Vous allez entendre là-bas dedans. Donc, en fait, voici ce qui se cache derrière. Ils auraient souhaité que ce soit à eux d'organiser les conférences. Ils auraient souhaité que ce soit eux qu'on sache qu'ils ont amené la réforme de l'Église. Ils auraient souhaité qu'on dise que c'est à cause des choses que la réforme est venue au Cameroun. Ils auraient souhaité que ça soit comme ça. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Vous saisissez ça? Ok. Maintenant, ils disent la réforme finale de l'Église. Ils disent que l'apôtre même qui a été établi a parlé de la réforme de l'Église, mais lui parle de la réforme finale de l'Église. Ou dit que moi j'ai tort, c'est sur la porte qui est revendue. C'est la bassesse. Mais je vais dire ceci. J'espère que vous comprenez le tableau complet. On attendait à ce que ce soit, s'il y a quelque chose à faire, que ce soit eux qui font. D'où la nécessité d'arrêter cette conférence-ci pour que ce soit eux qui font. Ou bien qu'on travaille sous eux. Pour qu'ils nous envoient au Gabon. Parce que le but, c'est d'envoyer au Gabon, c'est pour qu'on ne pas être formé. Nous sommes en 2012 et Dieu m'a envoyé prêcher depuis 2009. Donc, il faut que je parte fort être. Pour qu'un de ces jeux me dire que je passe la nuit de la traversée. Tout n'est pas arrivé. C'est toi qui diras là. Bon, continuons ici notre. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Allons-y. Une émission spéciale dénonciation. D'accord. La Bible prend l'Éphésiens chapitre 5. Donc je crois que si Dieu permet, il reçoit un témoignage par rapport à des missionnaires qui étaient en tuy, quoi. Donc Dieu fait son œuvre malgré les combats et dire les hommes, Jésus est Seigneur. Donc même ils ont le combat. C'est normal. Même le Galiléen, vous savez, Thédas et autres là sont allés dans le désert, c'était pas facile, ils sont combattus. Vous savez, quand dans Jean chapitre 5, lorsque on voulait lutter contre les apôtres, quand le Gamané a commencé à donner le truc, il y a cela, telle année paru, ils sont allés avec 400 personnes dans le désert, ils ont péri. Ils ont combattu. Donc même les faux combattent. Il continue de faire son œuvre, qui est belle en tout cas. Toute la gloire au Seigneur. Donc nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Qui trouve qu'il peut lire. Éphésiens chapitre 5, versets 11 à 13. Vous savez, le titre de l'émission, c'est retour à la parole. Et quand on revient à la parole, en fait, Dieu a établi les chrétiens pour la défendre à cette doctrine. Stop. C'est celui qu'on appelle Hervé. Oui. Vous venez dessus pour ce qu'il a dit, non? Il dit que Dieu a établi les chrétiens pour être défenseurs de la saine doctrine. C'est ça? C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible enseigne. Okay. Donc, on se doit de défendre la seule doctrine. Alors, défendre la seule doctrine, c'est dire la vérité simplement. Quoi. Mm. C'est dire la vérité, quel que soit le prix à payer, quelle que soit l'opposition, on se doit de dire la vérité. D'ailleurs, on voit dans la Bible. On se doit de dire la vérité. On voit le prophète Samuel. Quand le prophète Samuel arrivait quelque part, les anciens, ils tremblaient. Ils disaient, oh, Dieu t'a venu annoncer quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que quand il venait quelque part, le règne de Dieu se manifestait par l'autorité de la parole de Dieu, qui est la vérité. Et la vérité, c'est la personne de Yeshua. La personne de Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean 14, verset 6. Éphésiens chapitre 11, ouais, chapitre 5, ouais. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et ne participez pas aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Ok. La Bible dira ne participez point aux œuvres infructueuses de ténèbres. Or, le verbe participer, d'accord, en ce sens-là, c'est l'impératif. Or, dans le français, l'impératif exprime un ordre. Donc déjà, le Seigneur, au travers de sa parole, nous ordonne de ne point participer, que ce soit de près, que ce soit de loin, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous voyez un peu? Donc, première chose, tu ne participes pas. D'accord? Mais tu ne t'arrêtes pas là. D'accord? Et la Bible dira par la suite, ne participez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Waouh, c'est fort, hein? Au contraire. Oui, je dis, au contraire. Hein? Ne les caressez pas. Ne les cajolez pas. D'accord? Il faut les condamner. Il faut les dénoncer. Vous voyez? Et justement, ce soir, les œuvres, de plus en plus, par la grâce de Dieu, les œuvres des ténèbres seront dénoncées au nom de Jésus. Amen. La Bible dira, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Vous voyez? Donc Dieu a établi des frères, les chrétiens, pour la défense de la saine doctrine, qui est la vérité. Gloire à Dieu. Et le thème de l'émission ce soir, justement, je ne sais pas si on l'a dit ou on le répète en tout cas, le thème de l'émission ce soir, c'est les faux prophètes. D'accord? La dénonciation des faux prophètes. La dénonciation des faux prophètes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez une prophétie biblique hein, de la fin des temps. C'est qui s'élèvera de faux prophètes. D'accord? Dans la Bible nous enseigne, d'accord, le verbe est s'élever, s'élevera. Donc, en fait, c'est égéro en grec, qui veut dire qu'il y aura un égéro, veut simplement dire réveil. Dans les prophéties bibliques, mes bien-aimés, nous enseigne qu'au temps de la fin, il y aura un réveil de faux prophètes. Vous voyez? Il y aura un réveil de faux prophètes. Or, on va prendre le temps de définir c'est quoi les faux prophètes. Alléluia. Et ce soir en particulier, on va parler de particulièrement d'un. D'accord? Pour l'instant, on terrasse son nom. Nous sommes dans la parole dans Matthieu chapitre 7. On bénit Dieu pour l'oppression. Amen. On bénit Dieu pour l'oppression. Donc, il bénit Dieu pour l'eau. Donc, il bénit Dieu pour ça, pour l'oppression. Bon, ne riez pas. Suivant. Matthieu chapitre 7. Ah non, c'est un long combat. Ah, ça non, c'est un beau combat. Un beau combat dans la victoire du Christ. Amen. Oh my God. Souvenez-vous que c'est une émission spéciale qui a été annoncée sur les réseaux. Et c'est un bon combat. Ils sont là parce que la Bible a annoncé le réveil des faux prophètes. Donc, c'est ce que le grec de ce verset-là que je ne connais pas, semble-t-il, dit. Qu'il y aura les faux prophètes, mais ce soir, il y a quand même vraiment un là. Alléluia. Qu'on donne ton terrain le nom pour le moment. Donc, juste qu'on va découvrir ce que c'est que son nom. Chapitre 7, verset 15. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Waouh. Gardez-vous des faux prophètes. Même quand vous Philippe prêche ça, vous avez suivi ça, non? Il dit même quand vous Philippe connaît le 26, il dit ça pas vrai, frère. Suivez ses prédications. Voilà encore c'est l'impératif qui est exprimé. Amen. Or, ça veut dire quoi? Dieu, quand il parle, il ordonne. Amen. Dieu t'ordonne, mon ami. C'est pour dire que le verset biblique, tout le monde peut le citer. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas basé le signe sur le verset biblique comme signe, mais sur le fruit. C'est pour cela. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont venir avec l'instruction, ils peuvent dire ce que la Bible dit. Les gens qui prennent la doctrine de la possibilité, il y a des gens qui prennent la doctrine de la possibilité, qui savent distinctement que Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes d'accord. Ivan Castaner qui prend la doctrine de la possibilité connaît que Jésus-Christ est Dieu. Namaki le condamne, ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Ah, c'est quel embrouille que nous avons ici. Avançons ici. De garder des faux prophètes. D'ailleurs, là, on a beau communiquer le numéro. Merci, mon frère Emmanuel. N'hésitez pas à nous contacter au 671-02-04-85. 671-02-04-85. 691-60-02-84. 691-60-02-84. Et encore, elle va parler de dire qu'on n'a pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité nous affranchira. Alors la Bible dira, gardez-vous des faux prophètes. Donc Dieu ordonne aux chrétiens de se garder des faux prophètes. Mais comment se garder des faux prophètes? Il faut connaître leurs caractéristiques, mes amis. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que le bien et l'ivresse, c'est semblable. Mm-hmm. Mais c'est différent. Amen. Pourquoi quand c'est petit, c'est semblable? Mm-hmm. Mais quand c'est grandi, c'est différent. C'est différent. Vous voyez? Or, vous savez, tout chrétien doit avoir le discernement des esprits. Amen. D'accord? Quand il parlera du discernement, il parlera de deux sortes de discernement. Mm-hmm. Le premier discernement, c'est le discernement spirituel, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Le don du discernement des esprits. Donc, on demande au Seigneur que Dieu accorde ce don. D'accord? Et c'est un don que les chrétiens doivent demander à Dieu. Mm-hmm. D'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où il y a tellement la confusion qu'il faut l'œil du Seigneur, l'œil prophétique. Mm-hmm. Donc, voici quelqu'un qui enseigne qu'il faut l'œil prophétique du Seigneur. Mais ça part de l'œil prophétique, c'est le renseignement qu'il prend déjà. Il faut qu'ils prennent les renseignements d'une personne concernant que telle personne pense quoi ou enseigne quoi. Pourtant, ils prient que les chrétiens ont le discernement ou bien l'œil prophétique. Donc selon lui, quand tu as l'œil prophétique, tu peux savoir maintenant si l'Esprit vient de Dieu ou pas. Mais d'où vient-il que cette personne qui a de parler puisse passer par une vraie personne pour demander si Olivier Ndongo est vrai, s'il est bon. Je ne sais pas par qui il est passé pour me demander aussi pour ma part pour arriver à la conclusion que c'est, on peut au moins m'envoyer au Gabon. Parce qu'il dit, mais il veut que vous compreniez le danger qu'on se trouve. Vous allez donner raison au Saint-Esprit que nous avons besoin d'un revêtement authentique du baptême du Saint-Esprit. Sinon, on sera toujours dans ces mêmes embrouilles. De cette personne de venir, attacher, de venir prêcher sur la radio comme ça, vous allez suivre ce qu'on va dire du titre de l'enseignement que nous enseignons le vendredi, que la crainte de l'Éternel soit sur nous, que je n'ai aucune crainte, et donner de l'avertissement même à Billy Cola. Et il a été influencé par rapport à cela. Puis, dit maintenant par rapport à eux, leur émission se retourne à la parole. Mais il a des retours à la parole, il est à la perdition. Je veux que vous mesurez dans la saine doctrine. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle la saine doctrine. Vous allez suivre ce qu'il va dire ici par rapport à vos foulards et vos cabas. Vous allez suivre. Vous allez suivre ce qu'il appelle saine doctrine, ce qui est la doctrine. Alors, vous allez lui donner raison et au Saint-Esprit et à moi que nous avons. Si vous, on vous a trompé, vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui vous dites que cette parole-ci est vraie, cette autre-ci, la même parole-ci est fausse, vous allez me dire oui ou non, la Bible enseigne le vrai ou le faux. Vous allez arriver au niveau où vous allez comprendre que dès le départ de vos vies chrétiennes, vous avez rencontré intellectuellement Dieu. Vous avez rencontré intellectuellement la Bible. Vous n'avez pas eu l'expérience spirituelle qui fait naître véritablement de nouveau. C'est ça qui a mis dans le l'embrouille au milieu chrétien. Il voit que comme il allait en France, il a écouté le grec, comme vous savez, je suis le grec là-bas. On n'a pas besoin du grec pour comprendre la Bible. Y compris leurs propres Bibles qu'ils ont écrit et qu'ils ont dit que c'est les traditions de Jésus-Christ, c'est enfoui des mêmes fautes que les autres ont fait. Et même plus encore. Et ils appellent ça la Bible de Jésus-Christ. Que Dieu en préserve ses enfants. Discerner la lumière des ténèbres, le bien du mal, d'accord, et ça c'est un discernement que l'esprit accorde comme il le veut, ok. Et deuxièmement, le deuxième discernement dont la Bible nous parlera, c'est le discernement par rapport à la parole. Amen. Et là, tout chrétien doit avoir ce discernement, le discernement par rapport à la parole. Pourquoi? Parce que dira dans Hébreux 3, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous voyez, et justement, il faut discernement par rapport à la parole. L'apôtre peut aller chez les juifs de Béret d'ailleurs, rempli d'anciens. Si on peut l'autorité, vous voyez, mais il n'était pas impressionné par l'onction. Vous voyez, et ils étaient, en fait, ils bénissaient Dieu pour le témoignage de Christ dans la vie de Paul. Mais malgré ce bon témoignage, ça, ils examinaient scrupuleusement les Écritures pour savoir si ce qui était enseigné était exact, était biblique, était scripturaire. Et lui dira, ils viennent à vous. Wow, en habit de brebis. En habit de brebis. C'est-à-dire que mon ami, le diable ne viendra jamais avec les cornes. Jamais. Jamais. Vous voyez, il ne viendra jamais avec les cornes. S'il vient avec les cornes, tu vas fuir. Vous voyez, il va venir habillé comme un chrétien, comme un pasteur, comme un prophète, comme un apôtre. Vous voyez, la Bible dira quoi? Vous allez remarquer maintenant, vous allez remarquer, tous ceux qui prêchent chez Capo Philippe vont utiliser les mêmes expressions. Vous allez remarquer qu'il a une intimité, même dans ses expressions, qui? Vous allez remarquer que dans ses expressions, il a une intimité qui? Tu as peur, hein? Vous êtes d'accord là? Hein? Il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que le diable, c'est un adège, est capable de produire une lumière. J'ai dit, il nous loupe. Ah, elle était là. Tu me poses la question, je n'étais pas en studio. Ils viennent d'appeler le nom de ta petite soeur dont tu as parlé ici. Donc tu es là ce soir pour suivre ce que ta soeur, que tu as dit que vous êtes en bon terme, a dit de moi, de toi, de l'assemblée du Seigneur. Alléluia. Hein? Amen. Pas la lumière. Alléluia. Parce que Yeshua, Jésus-Christ dira, je suis la lumière du monde. Oui, alléluia. Donc il y a la lumière et il y a une lumière. Voyez, en fait, en Europe là-bas, il y a ce qu'on appelle le siècle de lumière. Voyez, c'était pas la lumière de Dieu, c'était une lumière factice. Voyez, c'était leurs yeux, c'est Genèse là-bas là, leurs yeux s'ouvrirent. Or quand tes yeux sont fermés, tu es dans le noir. Pas faux. Mais quand tes yeux s'ouvrent, il y a ouvrir, hein. Oui. Tu ouvris par l'esprit, tu vois les merveilles de Dieu, la lumière. Ouvert par les profondeurs de Satan, tu vois la lumière factice. Une lumière factice. Voyez, or le diable est un expert, les amis, en déguisement. C'est un expert, un champion en déguisement. Vous voyez? Et ses serviteurs, ses apôtres, ses prophètes, parce qu'il y a des prophètes, des apôtres, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux ministres de Dieu, qui viendront et seront déguisés. Vous voyez? En habit de brebis. Donc ils auront dans un premier temps un langage chrétien. Mais on va voir la suite. Tu peux avoir le langage sans avoir la vie. Amen. Alléluia. Parce que Jésus dira, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc frère, on a reconnu les disciples, je vous les appelés chrétiens. Non, pas abîmé, mes amis. Antioche. On les a appelés chrétiens, hein? Antioche. Pas parce qu'elle parlait en langue. Pas parce qu'elle a la puissance de l'esprit. Mais parce qu'elle est la vie. Voyez un peu. Vous ne vous jamais posé la question pourquoi Lévi, qui était aussi appelé Matthieu, Jésus vient le voir à son poste de travail, lève-toi, suis-moi. Alors que le gars était péagé, le gars avait de l'argent et ses finances. Mais il a vu quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu quelque chose de particulier. La vie, la douceur, la crainte de Dieu, la personne de Christ, les témoignages de Christ. Tu peux entendre dans l'esprit prêche des choses qu'il ne vit pas. Mais Dieu connaît. Dieu connaît nos vies. Vous êtes là? Amen. Jésus, c'est Dieu. D'ailleurs, on arrive. Hein. Vous voyez, il dira, bon, mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Oh, il n'y a que Dieu qui connaît les profondeurs, qui sont les cœurs. Alléluia. Est-ce que c'est qu'il n'y a que Dieu qui sonne les cœurs? C'est-à-dire que ceux qui craignent Dieu sont aussi les cœurs, par l'esprit. Vous êtes là? Amen. Regardez, Pierre viendra, va voir Simon le magicien, non? Il va dire, je vois que tu es dans un fidèle. Lève avec elle, avec les yeux de Jésus. Amen. Oh, faux. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une parenthèse. Donc, quand il dit seulement des esprits, je te montre l'état spirituel des gens. Tu vas me dire, c'est écrit, ou c'est que c'est écrit dans quel don? Ah, Jésus dira, donc, selon ce qu'il dit, dans le, quand tu as le don de discernement des esprits, Dieu te montre les états spirituels des gens. N'est-ce pas? Mais lui, en supposant qu'il n'a pas encore dit, parce que l'esprit qu'il anime et la sensation qu'il anime veut dire qu'ils ont cela, et il a cela, et c'est ça qui leur a permis de détecter. Nous sommes d'accord? Vous êtes avec moi? Vous êtes fatigué? Il a dit donc que c'est le don de discernement des esprits qui nous a fait détecter ces choses-ci. Et par conséquent, il peut faire détecter donc les vrais serviteurs, des faux serviteurs, n'est-ce pas, mes soeurs? Mais des centaines de personnes qui sont passées là-bas ont été d'abord initialement des vrais serviteurs, puis des faux serviteurs, y compris notre soeur qui est venue ici, qui a perdu son enfant. D'accord? Mais écoutez. Nathanaël, quand tu étais sous le. Je t'ai vu, non? Dans 1 Corinthiens, tu ne devais pas être dans les visions. Si. Quand le tout se tenait par la parole. Parenthèse fermée. Les âmes mal affermies. Effectivement, les âmes mal affermies. Tort de sens. Tort de sens. Vous voyez? Tout se dit par la parole de manière charnelle. Je précise la chose. Mmh. Parce qu'on y va, tout ça, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, on regarde. Oh, écoutez bien, c'est fort là. Vous les reconnaîtrez à l'heure. Waouh. Donc, on reconnaît un faux prophète par ses fruits. On va s'arrêter là. Donc, gardez-vous, souvenez-vous, Jésus, notre Seigneur, a dit dans le livre de Luc au chapitre 6, sous les yeux de verset 36 à 35, il dit que la mesure où tu auras servi pour mesurer quelqu'un, on te mesurera selon cela. C'est ce qu'il écrit. Il dit, on reconnaîtra un arbre par son fruit. Gardez-vous les faux prophètes, on reconnaît un arbre par son fruit. Voici ce qu'il prend en toile de fond pour décrire le frère Junior Eli Chabda. N'est-ce pas? Mais ils ont dit des prophéties sur moi. Comment, frère? Ok, amen. Mm-hmm. Et ce soir, nous allons parler de faux prophètes. Mais ce soir, nous allons dénoncer nommément un vrai sataniste, un vrai sorcier, un vrai magicien, qui d'ailleurs a une émission sur cette radio le vendredi à 21h à 21h. De 21h à 21h05, en compagnie de Monsieur Billy Kola. Mm. Hein? Le dénommé sorcier. Comment ça s'appelle? Chabda Eli. Donc, je vous ai dit que je ne vous attendais pas si j'ai ce type de réaction. Ne vous moquez pas d'eux. Ce sont des serviteurs qui ont des fruits. Vous devez prier pour lui. Au sortir, à la fin de ceci, nous allons nous mettre à genoux. Demandons pardon à Dieu à cause, parce que c'est son nom qui est le problème ici. Un. De deux, priez que Dieu ait miséricorde sur tous ceux qui auront dit n'importe quoi là-bas. Nous allons faire ça de sortir ici. Même si ça va nous coûter jusqu'au matin. Et je ne voudrais pas que vous sortiez cela pour aller accuser ni faire des calomnies sur quelqu'un. Vous êtes assez mature pour ne pas faire cela. Et je compte sur vous. Vous avez suivi? Et toi qui es assis ici, dont ta soeur va parler ici, je ne voudrais pas que ceci brise la communion entre toi et ta soeur. Aime-la davantage. Tu as dit que c'est elle qui t'a dit que c'est maman Joséphine, c'est qui? Maman Régine, il y a un peu de ténèbres là-bas. Voilà. Et elle part maintenant chez ceux qui retournent à la parole pure, qui ont le discernement des esprits, qui peuvent savoir ce qu'il faut, ce qui est vrai. Mais elle part là-bas, elle rentre, on ne sait pas. Donc, selon la mesure qu'on aura servi pour mesurer, on mesurera aussi. Sous ceci, Jésus avait l'autorité pour dénoncer toutes les œuvres du ténèbre. Il est venu briser. Mais les pharisiens ont aussi le dénoncé. On dit qu'il légale la multitude. C'est un démon. Les attributs qu'on a accordés à notre Seigneur, imaginez-vous. Il a dit dans Jean au chapitre 15, s'ils ont appelé ainsi le maître de la maison Belzébuth, comment est-ce qu'ils vont faire de ses serviteurs? Il a dit ça. Si on a traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Souvenez-vous, ce ne sont pas les Romains, les païens qui l'ont traité comme ça, c'est des gens de sa nation. Allons ici. Eli Chabda. D'accord? Je dis haut et fort, c'est un sorcier. C'est un magicien. C'est une réputation du diable. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, mes amis, on ne parle pas pour parler. Hein. D'accord? Ce soir, nous avons. Il y a une personne qui va témoigner. Mm. Une personne victime des abus de ce sorcier, de ce magicien. Donc, le discernement des esprits a amené plutôt le témoignage. Donc, il ne s'agit pas du discernement des esprits qu'on devait avoir pour savoir les œuvres des ténèbres. Mais il s'agit maintenant du témoignage de quelqu'un. Quelqu'un qui se trouve dans leur milieu, n'est-ce pas, frère? Qui va témoigner. Et sur ça, il dit haut et fort sur les antennes que je suis un sataniste. Je suis un sorcier. Il le dit avec détermination, haut et fort, nommément. Nommément. Et là, c'était mon nom. Dieu du ciel connaît. Je vais vous dire, voici le dossier, j'ai mis ici. J'ai mis le dossier dans un dossier intitulé « Mes bénédictions ». Donc, chaque chose qu'on dit, je prends, c'est là, l'intérêt que je mets. Je laisse ça là-bas, mes bénédictions. Avançons. Pourquoi? Parce que quand on entend par lui que la crainte de l'éternel vient sur nous, il y a un langage sur les hommes chrétiens. Mais quand on regarde à l'intérieur, le fruit, c'est le péché. Le fruit, c'est la sorcellerie. Le fruit, c'est la magie. Le fruit, c'est le vampirisme. Le fruit, c'est l'escroquerie. Le fruit, c'est la divination. Et j'espère que vous qui êtes ces disciples, parce que ce sont ces disciples de Jésus, vous êtes bien connectés ce soir. Vous allez bien faire le rapport, même qu'il écoute. On est là, dimanche. Tous les dimanches, on est là. 18h-20h. Donc là, on s'adresse à vous. Donc on espère que vous allez l'écouter. Vous écoutez en pleine assemblée. Quand vous... Vous êtes appelé à l'assemblée. Donc suivez l'avertissement qu'on va vous donner. Suivez. Et ma prière, c'est que nous sommes dans un état de droit, que les autorités puissent se saisir de ce témoignage-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs doivent être enfermés. Amen. Oui, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs là. Ça dit, c'est même pas ça. On a, heureusement qu'on a un spécialiste du droit ici. Hein, monsieur le maître. Donc nous avons un spécialiste en matière de droit ici. Sous d'autres cieux, on pouvait porter plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est ça? Sous d'autres cieux, on peut prononcer parce que c'est nommé. Puisque quand Dieu nous donne la grâce, nous aussi nous nommons sur les antennes. Et par conséquent, si les gens la portent plainte, nous sommes responsables de ce que nous disons, parce qu'il y a des supports audio. Mais nous ne luttons pas contre la chair. Qu'il ait dit que j'ai fait quoi, qu'il ait fait quoi, en citant les noms, il a dit que les autres, il faut que nous prions. Et cette mot-ci va revenir dans l'émission plusieurs fois, qu'on prie que les autorités de cette ville-ci, c'est-à-dire quoi qu'en disant que les autorités de cette ville-ci, les autorités sont nos collègues, nous sommes les serviteurs ensemble. C'est un homme qui est tenu là-bas. S'il va prononcer que j'ai faux, souvenez-vous, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il est faux prophète. La Bible, le droit du Cameroun ne construit pas quelqu'un parce qu'il est sorcier. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'il est sorcier. On condamne quelqu'un de la sorcellerie. Il faut que ce soit manifeste pour prouver cela. Donc maintenant, à supposons que je suis sorcier, il faut qu'il prouve les actes de sorcellerie. Et cela dit donc en matière de droit, je suis assis pour savoir, et on a des, pour savoir qui a tort, qui a raison. C'est-à-dire que si nous écrivons maintenant, ils vont devoir amener la preuve. Ce sera à eux qu'on doit amener la preuve. Donc, mais comme nous ne luttons pas contre la chair, nous attendons leur accusation. C'est-à-dire que on appelle quoi? Leur plainte. Qu'ils amènent la plainte. Et c'est ça qui va se dire jusqu'à la fin de l'émission. Comme ça, on nous traduit devant les tribunaux. Ils viennent se mettre là-bas. Ils disent que je suis sorcier, je ne suis pas serviteur de Dieu. Et en ce moment-là, on va voir de quel côté se trouve Jésus-Christ de Nazareth. Et même si, comme je vous ai dit dans la première partie ici, même si par là-bas, il peut utiliser n'importe quel sous-voyage humain pour me faire condamner, je ne ferai pas de aucun cas. Il serait que c'est dans l'ordre des choses. Souvenez-vous de ce qui a été dit ici lorsque nous prions pendant le jeûne. Tous, désormais, tout ce qui va vous arriver, sachez que c'est le plan de Dieu. Vous vous souvenez de cela? Amen. Je vous avais dit que personne n'est accepté. Et c'est normal que ça commence par la tête. Amen. Donc, comme ma part est venue, attendez-vous. On peut avancer avec nos amis ici. Amen. C'est des affamés. Ils ont pris une vocation ou par défaut. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être à l'école, ça a été compliqué. Vous voyez, il y avait un peu de talent oratoire. Et maintenant, ça vient d'un pasteur, ça vole les gens, ça casse les vies. Ce genre de personnes. Détruit des familles. Détruit des familles. Et ce genre de personnes, fou, c'est-à-dire que Dieu exerce sa justice. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Romains 13 que le magistrat est le bras armé de Dieu. Un serviteur de Dieu pour exercer la justice de Dieu. Quand on parle de magistrat, on parle aussi d'autorité. Vous voyez, et elle dira c'est à cause de ce genre de personnes, de ce genre de sorciers qui utilisent le nom de Jésus. Il parle de qui là? Je vais entendre vos voix. Si vous ne voulez pas, vous allez sortir un ici là. Vous êtes fâché déjà dès le départ, on n'a encore rien suivi. Ah. Que le nom de Jésus qui est ça est blasphémé. Et je répète, c'est un sorcier. Ok. Donc il y a notre chère sœur. D'ailleurs, avant le témoignage, j'aimerais que je redonne le numéro au 671. Vous pouvez contacter au 671-0204-85. 671-0204-85. Donc comme c'est une émission spéciale, ils sont arrangés à la maison en disant que vous qui êtes à la maison, vous qui êtes appelé. Comme il faut à l'Assemblée, comme celle-là dit qu'ils sont à l'Assemblée, ils parlent souvent. Lui dit qu'on sera à la maison à appeler, poser des questions, et vous allez entendre des questions pour comprendre que ce sont les gens de l'Assemblée qui vont parler de Shora. Parce qu'il s'agit du groupe de Shora là maintenant. Et dans l'émission, il dit même que Shora sera au courant. Donc il rencontre Omer qui est Shora. 691-60-02-84, que ce soit par SMS, par appel, il n'y a pas de censure, nous sommes là. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, si tu veux te présenter, ma soeur. Bonsoir, moi c'est la soeur Nadège. Bonsoir la soeur Nadège. Oui, si ce soir je suis là, c'est pour dénoncer Eric Chabda. Voilà, que t'es pas planqué. Ma soeur, viens. Viens. Comment tu applaudis maintenant? Vous savez, j'aime le sub. Non, non, non, non, n'hésitez pas à me poser des questions. Bien. Je vous ai dit tout à l'heure que si j'émettais cet audio, ces questions auraient été influencées. C'est pour ça que j'ai d'abord voulu aller droit au but pour qu'elle donne toutes les réponses. Pour que lorsque ça sera dit, si vous entendez sa version des faits, est-ce qu'il s'agit de ta petite soeur dans cet audio? C'est elle, n'est-ce pas? Celle dont tu as dit que vous entendez bien. Et celui qui a été posé la question, si vous avez parlé de moi, tu as dit que tu as donné la réponse que tu as donné ici dans la première partie, en disant qu'elle a parlé seulement de quelque chose de moi par rapport à ça, mais à toi elle n'a rien dit. Approche pas à côté de moi ici. Il veut que vous allez regarder son regard et vous aurez suivi ce que sa petite soeur a dit. Vous connaissez ce qu'elle a dit de sa petite soeur, c'est tout ce qui s'est tramé autour. D'accord? Souvenez-vous de la première partie où elle a dit que c'est sa petite soeur qui est venue lui dire qu'un prophète lui a dit et on l'a même invité là-bas dans son assemblée. Mais elle est sur les antennes pour dénoncer qui? Elle a dit que c'est pour ça qu'elle est là ce soir. Allons-y. Ok. Parce que. À chaque fois, il va arrêter parce qu'il y a des événements qu'on a raconté que je ne suis pas là, que je n'étais pas là. Je suis obligé d'arrêter pour poser des questions et à vous ici et à elle. D'accord? Allons-y. Ici, Léon, nous trouvons beaucoup de prophètes et nous trouvons beaucoup de faux prophètes. Et nous avons été victimes dans notre famille d'Eric Chabda. Puis il a rencontré ma soeur aînée et elle est dans son assemblée. Première chose. Est-ce que c'est moi qui t'ai rencontré ou c'est toi qui m'as rencontré? Non, non, non, ne passe pas. Ce n'est pas parce que ta petite soeur que tu parles. Il dit que tu vas l'aimer. Tu as dit que Eve t'a frustré, tu dois aussi l'aimer. C'est ta petite soeur ici. Tu vas l'aimer. Ce qu'elle vient de dire là, c'est vrai. Non. En fait, même si tu dis non, même si tu dis oui, tu as dit la première partie, comment tu as fait pour venir ici. Ici. Tu as dit que c'est la voix de Dieu qui t'a appelé de venir vers moi. Donc le Dieu du ciel a envoyé sa grande sœur chez un sorcier. Donc c'est Dieu qui est fautif ici, mes chers amis. Parce que c'est Dieu qui l'aura induit en erreur. Nous sommes d'accord. Je dis bien, c'est le Dieu du ciel qui a parlé. Vous avez suivi dans la première partie comment ça s'est décrit, comment elle est arrivée ici. Donc c'est le Dieu du ciel qui l'a conduit chez moi. Et par conséquent, comme celui-ci dit que Dieu, le même Dieu, lui a dit que je suis sorcier, Dieu a induit cette sœur-ci en erreur. Nous sommes d'accord sur ce plan-là. On avance ici. Reste tranquille, c'est à côté de moi. Les assemblées dans les maisons. Et à son séjour. Donc tous unanimement connaissent où nous sommes. Mais comprenez bien tout à l'heure quand ça va arriver dans la mission. Donc ils connaissent où nous sommes. Donc ils peuvent venir. La porte, par exemple, sur le pas, la porte est ouverte. Chacun peut entrer. Donc ils connaissent exactement. En fait, c'est à Makepe, immeuble. Immeuble C, porte 22. Avançons. D'accord. Non, donne l'endroit. Et ça situe à la porte. Peut-être les autorités. Je ne connais pas bien le lieu, mais c'est dans les immeubles. Dans les immeubles. Donc vous voyez que nous avons indiqué le lieu. Immeuble C, MP, donc c'est en face des bijoux Makepe. C'est ça? C'est-à-dire que si on monte les escaliers, tous les escaliers, la première porte à gauche, c'est là où on se trouve. Comme ça, ça va bien indiquer aux autorités où on s'est réunis. Comme ça, les autorités auront l'indication claire. Amen. Ma soeur, ne sois pas frustrée. Tu as dit que ta soeur avec toi, vous avez une bonne relation. Et ceci s'est passé de toute façon. D'accord. Okay. Vas-y. Alors, Eric Chabda, vendredi passé, samedi passé, nous sommes victimes. Nous avons reçu un coup dans la famille où mon neveu est décédé. Donc le fils de ta soeur. Donc il s'agit de toi qu'on a entendu parler là. Donc c'est ta petite soeur qui nous a raconté. Laisse cette histoire. Voilà. Vous voyez que concernant l'enfant, on n'en a pas mentionné ici. Parce qu'il commence par ça. Allons-y. Fils de ma sœur. Tu persévères dans cette synagogue de Satan. Okay. Donc, dans cette synagogue de Satan qui s'est réunie chez Maman Véro. Oui. Alors, elle était même d'abord dans son assemblée dans la journée de samedi. Mm-hmm. Et samedi soir, à 22h, quand elle arrive chez elle, l'enfant est frappé par sorcellerie. Mm-hmm. Explique-nous comment ça s'est passé. Nous étions ici. Parle à haute voix que les gens puissent entendre. Nous étions ici. L'enfant jouait avec tout le monde. Oui. Je crois que la dernière personne qui était en contact, c'était le frère. Le frère. Le frère, c'est le frère, c'est un pas bien son. C'était toi, frère. C'est toi qui as joué avec l'enfant en dernier. Il a donné la bouillie. L'enfant a commencé à pleurer. Il a dit que mais tu donnes la bouillie chaude. Le sommeil de l'enfant ne supporte pas. On a ri là et tout. Est-ce que moi, j'étais présent? Non. Allons-y. L'enfant donc était bien portant, il jouait, montait partout, tout le monde là. C'est comme s'il saluait tout le monde. Oui. Après nous sommes rentrés. Dès que nous sommes arrivés à l'entrée, tout était noir. Parce que je reste avec une fille à la maison. Elle m'a dit qu'elle devait rentrer à 17h. À ma grande surprise, elle n'était pas rentrée à 19h. Ce qui fait que la clé était toujours là où on dépose. Oui. Ce qui fait que quand je suis arrivée, la maison était dans le noir total. Dès que je place dans les pieds sur la véranda, l'enfant lance un dans des pleurs que je n'ai jamais entendus. Donc c'est à la maison que l'enfant a lancé un cri. Oui, c'est au niveau de la véranda là. L'enfant a lancé un cri, je dis c'est pas possible. Je prends donc le téléphone pour appeler là où je dépose les clés, que pardon, il envoie un enfant me donner les clés. C'est là où l'enfant ne faisait que crier, je me déplace un peu. Il se calme, après il crie encore, je dis que c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Je le calme, je le calme, je le calme. Il criait de plus en plus, je le calme, je le calme, je le calme. Et c'est donc comme ça que le monsieur m'appelle. Quel monsieur? L'ami de mon mari, là où je dépose les clés. Là où je dépose les clés quand je ne suis pas là. Il m'appelle, il dit qu'est-ce que l'enfant peut venir manger? Tu peux envoyer l'enfant manger le couscous. De quel enfant on parle? Ton enfant là? L'enfant. Est-ce que tu peux envoyer l'enfant venir manger le couscous? Parce que l'enfant aime bien ça. Quand on ne peut pas le couscous, il aime bien. Il mange souvent là-bas. Oui, des fois il mange le couscous là-bas. Après, j'ai dit que la façon dont il pleure même là, il avait pissé partout, il fallait que je change, que pardon, qu'il attend que je le lave un peu. Il pleure tellement, ou c'est ça que le dérange, c'est pas. C'est donc comme ça que sa fille vient, elle me donne les clés. Je prends donc les clés. Tu ouvres la porte. Je donne l'enfant à la fille, à sa fille. Que pardon, calme-le un peu pendant que tu ouvres la porte. La porte. Maintenant, elle s'est calmée. Quand on est entré, elle s'est calmée. Elle est donc allée sur le canapé, le nettoyer. Enlever les habits pendant temps que j'apprêtais l'eau pour le nettoyer rapidement. Pendant que je sortais donc pour chercher de l'eau, elle me dit, je dis, il s'est calmé, elle dit que oui, mais il fait comme ça, il tousse. Après, il fait, viens voir comment il fait. C'est là où je suis arrivé, j'ai vu comment l'enfant faisait. Les yeux sont montés, le temps de courir. Arrivé à l'hôpital. Attends, là tu es sorti, tu n'es plus allé chez celui, l'ami de ton mari. Je suis d'abord allé là-bas. Attends, tu es là-bas avec l'enfant. Oui, je suis d'abord allé là-bas. J'ai dit que, regardez, ils ont essayé de prier. Lui aussi, il est chrétien. Lui, il est pasteur à l'église, plein d'évangiles. Et ta petite soeur qui est ici, le connaît. Très bien. Et qu'est-ce que le pasteur l'a dit quand il a fini de prier? Non, il n'a même pas il m'a dit qu'il avait peur, qu'on va dire que c'est la négligence. C'est pour ça qu'il n'a pas insisté sur la prière. Donc moi, j'amenais comme ça pour que s'il y a une moto aux alentours, donc il m'aide à pouvoir vite amener l'enfant. Et donc comme ça que quand j'ai vu comment il priait, après il m'a fait signe que maman, cours seulement. L'ami de ton mari qui est pasteur là. Cours seulement, il m'a fait signe comme ça. Et là, tu es monté sur la moto avec l'enfant? Non, je ne suis même pas monté sur la moto. Tu as fait comment? J'ai pris mon enfant, j'ai couru, je suis arrivé au centre, son cœur battant. Attends. Tu es allé à pied avec l'enfant? À pied. Et parce qu'il n'y a pas de moto à cette heure-là? Non, ma route là, c'est difficile d'avoir une moto. Donc, il faut d'abord sortir. Il fallait arriver à Baoba pour avoir une moto. Et comme il y avait un centre, je voulais qu'on mette quelque chose. Un centre de santé qui est proche de la maison. Je voulais qu'on le réanime d'abord vite. L'enfant, son cœur battait encore? Oui, son cœur battait encore. Elle essayait de mettre la. Ça, nous sommes quel jour? Nous sommes samedi, la nuit du samedi que vous avez quitté ici, effectivement. Ah ben, 21h, 22h. Attends, c'est quelle année de raconter? Qui était là ce samedi-là ici? Vous étiez. Quelles sont les personnes qui étaient là ce samedi ou cette soeur qui était là la nuit où elle était là? Vous ne quittez pas, vous étiez là, n'est-ce pas? C'est quelle année de raconter, c'est vrai? Qu'elle était ici avec l'enfant, l'enfant jouait et puis elle est partie. Est-ce que j'étais ici au milieu de vous? Non. Avançons. C'est donc comme ça que je prends donc. Elle me dit, prends vite la moto, va à Bounamou Sadi. Je suis tombé dans un père qui avait la moto. Il roulait tellement. Celle de la santé, du centre de la santé, a dit que tu partais. À Bounamou Sadi. Qu'est-ce qu'elle a mis dans l'enfant à ce moment-là? L'alcool, pour essayer de réanimer rien. L'alcool comment? Donc, quand l'enfant confuse, on met l'alcool, ça l'enfant. Non, il avait confusé. Donc, ça m'a dit, il bavait. Il y avait la bave qui sortait. Il bavait en même temps, les yeux montaient, il chiait en même temps. Il faisait tout ça. Allons-y. Oui. Et là, maintenant, tu quittes du centre de santé à quel... Bounamou Sadi. L'hôpital de Bounamou Sadi. À l'huitième, comment tu... L'hôpital de Bounamou Sadi. L'hôpital du district. Donc, ça, c'est un hôpital de santé public. Ils sont dans... Quand ils sont arrivés, on ne m'a pas laissé le temps d'expliquer ce qui se passe. On a seulement écarté les zones, on a dit que pendant qu'on court à la cantine. C'est donc comme ça que je criais que la cantine est loin, la cantine est loin. Il y avait des mamans qui étaient là, ils ont dit ma fille va à l'UTM. Ils ont tous. Et ceux-ci ont, les gens de Bounamou, ils n'ont pas d'appareil suffisant pour pouvoir faire les choses ou quoi? Ils n'ont pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc comme ça que pendant que nous étions sur la moto. Vous entendez là-bas? Pendant que nous étions sur la moto, pour aller à 8e. Il roulait tellement lentement, je faisais que dire... Pardon, on file vite. Oui, fais comme c'était ton enfant, fais comme c'était ton enfant. On avançait, pendant qu'il priait sur l'enfant, il priait, bon. Et nous sommes arrivés à 8e. Oui. Il y a 3 infirmiers qui l'ont consulté, l'enfant n'était plus. Oui. Alors, ils ont consulté, ils ont dit que qu'est-ce qui a arrêté l'enfant? Qu'est-ce qui était avec l'enfant? Qu'est-ce qui dérangeait l'enfant? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel était le diagnostic? Non, rien dit. Moi, c'est déjà assis. Hein. Seulement comme ça. Mm-hmm. Et c'est de là donc que tu es rentré. Oui. Nous sommes à quelle heure? Je suis rentré vers les 1h. Non, non, nous sommes encore à l'hôpital. Oui. Tu es à l'hôpital. On t'a donné cette chose-là, oui. Ce diagnostic. Oui. Tu as l'enfant entre tes mains. Tu es encore seul à l'hôpital. Je suis seul. Et on vient de dire que rentre, l'enfant est décédé. Oui. Quelle était ta réaction? Quelle est la personne que tu as appelée en premier lieu? Voilà. Comme je n'avais pas de téléphone. Oui. Je n'avais pas de téléphone. J'ai dit, je fais comment? J'étais perdu. Mm-hmm. Je me suis seulement dirigé. Comme il y a la maman, une maman. C'est maman Anna qui la connaît bien. Maman Lydie, oui. Elle est juste à côté de la 8e. Oui. J'ai dit que je vais d'abord là-bas. Elle va m'aider à réfléchir clair. Mm-hmm. Parce que là, elle ne réfléchit pas. Mm-hmm. C'est comme ça que je vais dans... Vous entendez dehors là? Ma soeur, pardon, parle beaucoup. C'est la soeur qui est dehors là. C'est comme ça que je vais dans... voir... Maman Lydie. Maman Lydie. Mm-hmm. Ça, c'est tard d'ailleurs dans la nuit. Tard dans la nuit. Mm-hmm. Je demande donc... Et tu avais le cadavre de l'enfant entre tes mains? J'avais le cadavre de l'enfant dans la main. Mm-hmm. Je reste là-bas. Je dis, maman, on me dit que maman Lydie n'est pas là dans son assemblée. Donc elle est aussi chrétienne. Oui. Mm-hmm. Elle est dans son assemblée. Je dis, je fais comment? Elle dit que je demande à sa fille si elle a le téléphone. Elle dit qu'elle n'a pas le téléphone. Je dis, mais tu as le numéro de ta maman. En temps, tu as laissé ton téléphone à la maison. J'ai laissé le téléphone à la maison. Mm-hmm. Je dis que tu as le numéro. Elle dit qu'elle a le numéro. Elle appelle, ça ne passe pas. Je dis, ouais. Tu connais même pas le numéro d'une de personnes aux alentours qui me connaissent, que non, elle n'a pas. Je dis, je fais comment? C'est là où on me dit que, ouais. Portons l'enfant, amenons même dans l'assemblée de maman Lydie. Mm-hmm. On sort maman Lydie de là. Elle saura quoi faire. Comme si elle aussi est infirmière. Oui. Mm-hmm. Attends, là, le diagnostic t'a déjà été donné à l'hôpital à l'HM, que l'enfant est décédé. Et pourquoi toi tu n'es pas rentré à la maison avec l'enfant? C'est ça la question. Non, mais c'est ça que la question que tu as posée. Oui, justement, moi, mais je me posais, c'est que je me suis posé ces questions après. Oui. Oui, donc là où j'étais là, j'avais besoin de je sais pas, de vie d'un quelqu'un. De quelqu'un côté de ta peau, oui, quelqu'un. J'avais besoin de quelqu'un. J'avais Et là, tu n'as pas de téléphone. Et l'esprit vient dans ton pensée. C'est vraiment maman Lydie qui était à côté. Mm-hmm. Elle devait me donner de l'aide là. Oui, de l'aide. Mm-hmm. J'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin de quelqu'un. Oui. C'est donc comme ça qu'on court. Elle me dit que alors on court. Parle pour ceux qui sont dehors. On arrive donc là-bas, les gens là-bas ont prié. Attends, vous êtes allé dans son assemblée. Dans son assemblée. Elle était en pleine assemblée elle déjà. Elle était en pleine assemblée. Oui. Ils ont prié. Le pasteur de l'assemblée, c'est quelle assemblée déjà? Angoudi, je ne connais pas le nom. Mais... Il y en a plein, c'est Angoudi. Oui, donc tu es allé dans une... Ça, c'est toujours la même nuit là. Même nuit là. Donc l'enfant est tombé, tu es amené chez le pasteur qui est à côté de ta maison, l'a amené ton mari. Oui. Tu es amené à l'hôpital de Bounamoussadi. Oui. Tu es amené à l'UCHEM. Oui. Tu es amené chez maman Lucie, maman Lydie. Maman Lydie. Oui. Puis tu es amené dans son église. Oui. Ça fait 6 endroits, c'est même nuit. Maman Lydie m'a prise dans l'enfant, maintenant c'est elle qui essayait maintenant c'est elle qui a appelé maintenant tous les gens, Nadège et conseil. Comment elle a fait pour avoir les numéros? Elle a les numéros, c'est notre maman de la maison. Attends, ok, ok. Elle a appelé Nadège, qui est ta soeur. Elle a appelé mes soeurs, elle a appelé Brice, elle a appelé Elisabeth. Elle a appelé Nadège, c'est Nadège qui est en train de parler dans la... Oui, ça ne passait pas. Son numéro ne passait pas, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Elle a appelé tout le monde. Attends, d'abord, oui. À l'assemblée où vous êtes allé, c'est la zone de maman Lydie. Maman, oui. C'est Lydie? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mm-hmm. Vous êtes venu les trouver en pleine assemblée? Oui. En train de prier? Oui. Quelle était la réaction des gens qui étaient à côté? Oui, ils étaient étonnés. Le pasteur, il y avait les pasteurs là-bas. Il y avait un monsieur qui était là devant. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ceux-là, tout ce qui était là-bas? Ils ont prié tous ensemble. Après... Ils ont prié comment, ma soeur? Ils ont prié. Voilà. Oui, ils sont obligés de toucher les choses parce que c'est qu'elle a dit la personne d'entre vous ici ne connaît. Oui, oui. Mm-hmm. Allons-y. Ils ont prié. Après, voilà. J'ai vu la photo de Tibi Joshua. Voilà. Ils font comme Tibi Joshua. Oui. Ils ont prié. Ils ont la photo de Tibi Joshua dans leur assemblée. Oui. Ce sont les Nigériens. Bon, c'est quelqu'un qui passe souvent, qu'on ne sait pas collaborer avec Tibi Joshua. Donc, c'est là où j'ai découvert ça. Non, c'est son disciple. C'est sûr que c'est lui qui t'a aussi baptisé, comme Tibi Joshua m'a aussi baptisé, comme l'autre disait aussi. Peut-être. C'est toujours mais les gens comme on dit de moi. Peut-être. C'est donc comme ça qu'ils sont venus un moment. ils ont aspergé l'eau de Tibi Joshua sur l'enfant. Donc là tu t'es assis ou bien tu arrives devant avec l'enfant? Oui, il était devant. Avec l'enfant? Oui, il était devant. L'enfant étant déjà décédé? Oui. Ils ont fait tout ça sur l'enfant? Oui. Ils ont prié pendant combien de temps? Vous avez duré combien de temps là-bas? Pas trop, hein. Oui. C'est même plus entre 15 et 30. Oui. 15. Ils ont prié. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ma soeur? Ils ont dit que c'est Dieu qui va faire le reste. Oui. Oui. Voilà. Après là-bas, qu'est-ce qui se passe? Mais je vous pose la question, vous qui, si vous saviez toutes ces étapes, c'est. Vous voyez, on est obligé d'entrer dans les profondeurs pour arriver là où on en est. Parce que ce que vous allez suivre là-bas est violent. Mm. Parce que sa petite soeur vient de dire là-bas qu'elle est là ce soir pour dénoncer le faux prophète Eli Chabda. Sorcier. Sorcier, c'est pas elle qui a dit. C'est pas si c'est elle qui a dit. Ben, ça va sortir de toutes les façons. Mm. Allons-y, continuons. Après cela. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée. Tu es rentrée, maman Lydie. Maman Lydie a pris l'enfant. Donc, c'est elle qui gérait maintenant. Toutes choses. Oui. Et entre-temps, tes frères et ceux qui l'ont écouté. Elle m'a demandé de. Si j'avais le téléphone pour t'appeler. Oui. Oui. Comment elle me connaît? Non, pas appeler, elle a dit de vos dirigeants, tes dirigeants, oui. Oui. Elle n'a pas dit Richard, elle a demandé que toi. Donc elle ne me connaît pas? Oui, elle ne te connaît donc, pas. Donc par réflexe, elle a dit que où est le téléphone pour appeler tes dirigeants? Oui, elle a dit qu'est-ce que tu as le téléphone pour appeler même les gens de ton assemblée, voilà, oui. Voilà les thèmes qu'elle a. Alors qu'on a déjà prié dans son assemblée. De toute façon. Je veux que vous suivez bien ceci. Après maintenant, je vais dire que maman, je n'ai même pas le téléphone là où je suis là. Et tu comptes faire comment? On a prié là-bas, là, chez elle. Oh, j'ai dit, je fais comment? Je n'ai pas le téléphone, je n'ai pas le téléphone, fais comment? C'est là où on reçoit appeler Nadej. Nadej qui est ta petite soeur. Oui, celle qui a parlé sur la radio aussi. Oui, parce que l'ami de mon épouse. Mais tu as dit que son téléphone ne passait pas. Justement, reçu dans la joindre. Donc finalement, son téléphone passe. Oui. Oui. C'est donc parce que l'ami de mon époux l'avait déjà appelé. L'ami ok, le pasteur, là, chez qui vous avez en premier lieu, qui a appelé en premier lieu. Oui. Donc, pendant que tout ces événements se passaient, entre temps, il a appelé Nadej. Il a appelé Nadej. Oui. Il dit que ta soeur a des problèmes. J'ai mon téléphone ici, elle n'appelle même pas. Donc, il pensait que je vais appeler mon téléphone. Je n'avais même pas eu le réflexe là. Ça a de tête. Donc, tu n'as pas eu le problème d'appeler sur ton téléphone pour que quelqu'un décroche pour oui, que tu dises quelque chose. Rien, c'est-à-dire que j'étais perdu. Je n'avais même pas l'idée là. C'est plus tard quand il m'a parlé, j'ai dit que papa regarde d'abord. Même ça, je n'ai même pas pensé. C'est donc comme ça que. Donc, il appelle cet homme-là, le pasteur qui a prié en premier pour les enfants, appelle Nadej. Il dit bien, c'est Nadej qui en est parlé sur la radio. C'est Nadej. Oui. Elle a donc pris mon sac. Oui. C'est là où on appelle donc reçu à la joindre. Oui. On lui dit que prends le sac de Sandrine. Oui. Elle a son téléphone, elle va appeler. Prends son sac. En même temps, Nadej se trouve où? Nadej se trouve en Bangui. Chez son père? Non. Elle était déjà partie chez moi là-bas. Non. Je dis, quand on l'appelle maintenant. Elle est où avant pour qu'elle quitte pour venir prendre ton sac? Elle était chez mon père. Donc là où elle habite? Oui. Elle quitte donc pour aller en Bangui. Oui. Bangui, c'est là où tu habites? Oui. Pour aller prendre ton sac où il y a ton téléphone? Oui. Pour venir te donner chez maman Lydie? Maman Lydie. En même temps, l'enfant est toujours là-bas chez maman Lydie? L'enfant est toujours chez maman Lydie. Et vous êtes sorti de son assemblée où on a prié? Oui. Et que rien ne s'est passé et oui. L'enfant est toujours couché là-bas? Oui. Ouais, allons-y. Voilà donc. Elle vient là-bas? Elle vient là-bas. Oui. Quelle est sa réaction quand elle te voit? Quand même. Elle était là comme ça. Elle était là comme ça. Elle était oui. Qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qu'on les choses qu'elle a dit? Ce qui s'est passé, donc, elle me dit. Sandrine, voilà, je t'ai appelé. J'ai appelé la sœur Grâce. Voilà. Je t'ai promis les choses. Non, suis attentivement. Et si ça devient intéressant, ça concerne ce qu'on va dire là-bas. S'il vous plaît, suivez les enfants, que les enfants ne parlent pas, que les enfants ne font pas cela. Je veux que vous soyez concentrés. Tu vas dire, attends doucement, tu vas dire intégralement ce que tu as dit à la sœur de Dieu, merci, elle est là-bas. Et là où nous sommes, les frères chez qui nous étions étaient au courant. Mais n'avez-vous dit quelque chose que peut-être vous ne saviez pas ici? 4 jours avant, le frère Achille a eu la vision concernant ces événements-ci. 4 jours avant, avec son nom. Il dit bien 4 jours avant, alors que nous sommes à Bafoussam, je suis à Bafoussam avec lui. 4 jours avant, il voit, mais il ne dit pas. C'est quand il vient, le grand matin, quand ces choses se passent, j'appelle le frère Achille, je dis que voici la situation qui se passe à Douala. J'appelle les frères qui sont là-bas, voilà mon épouse là-bas. Les frères. En fait, ce que nous sommes en train de dire là maintenant, ce sont les frères de Bafoussam où nous étions qui ont été d'abord au courant de ceci. Je suis à Douala. Il dit, mais ce sont les frères chez qui nous étions à Bafoussam qui ont été les premiers à être au courant. Je suis à la maison en train de travailler avec mon épouse. Et la personne dit, mais vous entendez ce qui se passe à Douala? Ils sont à Bafoussam. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'on a dit de vous que vous avez tué, tu es sorcier et ainsi de suite. On a dit, j'étais à Baganté. Tu as dit que tu vas ressusciter l'enfant. L'enfant n'est pas ressuscité. Tu as tué son mari. Tu as dit que son mari devait ressusciter. Vous allez suivre ça là-bas. Donc, c'est eux qui sont surpris. Maintenant, à supposer, par exemple, qu'on n'était pas chez les frères, là, et qu'ils écoutent ces choses comme ça, ils vont croire que c'est la vérité. Ils vont croire que c'est la vérité. Et chaque personne qui va écouter cela, ne connaissant pas ce qui s'est passé, va prendre position contre le frère Junior. N'est-ce pas, frère? Ils auront reçu leur coup parce que c'est une émission spéciale. Voici la victime, voici la personne qui est concernée. Mais c'est sa petite soeur qui passe prendre sur la radio jusqu'à dire qu'il faut qu'on donne... Et en fait, elle dit, souvenez-vous de ceci, elle dit que je divise les familles. Vous allez comprendre pourquoi elle dit qu'elle divise les familles. Que j'ai fait qu'elle ne s'entende plus avec son père. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai posé la question concernant son père, qui est son père, ainsi de suite. Et ça a venu ici. Toi et moi, j'ai parlé de ta famille un jour. Jamais. Mais elle se tient sur les antennes parce qu'on a soif de mes calomnies, concocter des choses pour aller dire des choses me concernant. Elle dit donc que je divise les familles, comme l'autre a dit que je suis cupide. C'est la personne qui dit comme ça, on ne sait jamais que c'est changé. L'autre va dire quelque part là-bas que je fais la doctrine de présenter les enfants au Seigneur pour prendre de l'argent. Et il dit là, sur les antennes, que le Saint-Esprit vient de lui dire, c'est que j'ai des Saint-Esprit qui passent sur ces antennes-là pour le retour à la parole. C'est le Saint-Esprit, frère. Donc, vous allez suivre là. Je veux que, si je viens ici, je veux vous dire que, on a dit comme ça de moi, on a dit comme ça de moi, je veux que je laisse vous écouter. Pour que vous voyez, voici la personne qui est victime, dont son mari est décédé, dont son enfant est décédé, et que c'est elle qui a vécu l'événement. Une personne parle. La question c'est, cette personne, si je ne la connais pas, quelle est la motivation? Je vois que ce n'est pas elle le problème. Je sais qu'elle est manipulée. Les gens cherchent, comme je vous ai dit, que les gens cherchent, puisqu'en 2012, par rapport à la conférence, elle n'était pas là, elle était déjà chez elle en 2012. Elle était chez maman là. Non, elle était. Elle n'a pas encore cru. Parce que c'est elle qui avait d'abord commencé avec la peine de tomber. Elle était tombée. Oui. Bon, non, disons pas ça, c'est pas le problème là-bas. Mais je vais dire ceci. Nous sommes en 2012, ils cherchent les occasions par rapport aux querelles. Ils ne peuvent pas trouver. Aujourd'hui, ils ont trouvé une occasion en or. À cause d'un favorable, ils vont dire maintenant que c'est pour ça que l'émission est spéciale. Ils vont annoncer à tous les réseaux, annoncer à toute la radio. C'est pour ça qu'il faut signer normalement parce que c'est spécial. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais je dis que voici la victime, voici la personne qui est à se plaindre. Remarquez très bien, c'est elle qui a appelé. Je lui ai posé la question, je devant. Est-ce que tu, dans ce mode de l'enfant, est-ce que tu as quelque chose ici sur le cœur? C'est ce qui est posé comme question à me reprocher. Dis-le devant l'assemblée. Qu'est-ce que vous avez dit? Ok, la question qu'il pose, c'est ceci. Pourquoi cette personne-là, sa soeur, s'acharne sur un sujet de l'enfant alors que c'est, voici la concernée? Voici la concernée, ce qui est sa grande soeur. Pourquoi n'appelle-t-elle pas sa soeur pour que, allons, c'est ce que ton prophète, ou bien comme elle dit là, ton Élie là a fait quelque chose qui ne va pas, allons faire ceci. Pourquoi ces gens-là qui connaissent ton numéro, qui me connaissent, qui connaissent l'endroit, ne sont pas venus vers moi pour dire que voici ce qui s'est passé, qu'en est-il en tant que chrétien? Pourquoi, frère, selon vous, pourquoi ils sont allés sur les médias pour le faire? Non, je ne vous dis pas de répondre à la question, je pose seulement des questions. Alors, déjà à l'entrée, ce que ta soeur fait là, tu t'attendais cela d'elle? Depuis qu'elle est retournée là-bas et depuis que... Parle que les gens écoutent de ma soeur. Hein? Depuis qu'elle est retournée à la zone A. Chez ton père. Oui, depuis que je sais que mon père la manipule comme la tisse. Donc c'est ton père qui lui a demandé d'aller dire ça à la radio. Donc depuis là, moi je m'attends de tout d'elle. Hein. Donc je ne sais pas. Mais tu as dit tout à l'heure là que vous avez fait une réunion. Oui. Où vous êtes rassemblés. Que tout allait bien. Oui, mais je veille. Donc ça veut dire que là tu es toujours prudent. Non, oui, il y a une prudence quand même. Tu l'aimes, mais tu es prudent. Non, je veille. Tu veilles comment, ma soeur? Je veille. Pourquoi? Parce que elle est un élément, je ne sais pas comment expliquer. Pour me conduire, je sais pas comment dire. Donc elle est entre de nous, ton père peut utiliser pour te toucher. Pas pour me toucher, pour mon... Oui, si je peux dire comme ça. Pour faire quoi? Je sais pas. Bon, tu veux dire si je veux dire comme ça, tu veux dire quoi comme ça? Donc je veux dire qu'elle est un élément pour, je sais pas comment dire, dans un pion là qui est là, comme tout ce qui se passe là, je suis pas surprise parce que c'est comme un pion qui est là. Oui. Elle observe pour venir attaquer. Et vous voyez un peu. Donc, c'est une manipulation. Parce que quand j'avais... Ça, c'est après que vous avez fait la réunion. Tu as constaté ça après la réunion ou c'est avant la réunion? Depuis avant. Mais, et même quand vous avez fait la réunion, ça n'a pas résolu le problème? Non, quand on a fait la réunion. Vous êtes séparé en queue de poisson. Moi, le problème, c'est que comme elle disait que je les avais dans le cœur. Oui. Moi, je les rassurais que non. Le Seigneur a travaillé. Je n'ai plus peur. Quel est l'élément de preuve que tu leur as donné? Oui. Il dit, c'est maintenant, qu'est-ce que. Quel élément de preuve? Est-ce que tu leur as donné la preuve que tu n'as pas quelque chose contre eux dans ton cœur? Oui, puisque après elle m'a dit qu'elle était satisfaite. Elle a dit qu'elle était satisfaite. Oui, et que là, vous vous êtes embrassé? Non, on n'a pas pu s'embrasser puisque elle a commencé à s'acharner sur la maman qui nous mettait la paix. Elle, elle s'est tournée maintenant vers la maman. Non, elle a résolu son problème avec elle. Ce n'est pas son problème ce soir. Pas le temps, pas le temps. Oui, de vous embrasser. La maman a vu que nous, il fallait donc... calmer le jeu la maman. Oui, parce que la maman lui a dit qu'il faut qu'elle travaille sa colère. Oui. Parce que c'est à partir de sa colère qu'on la manipule. Donc elle est colérique. Oui. Donc en fait, vous allez entendre ici. Toi, tu penses sur la colère. Elle est impulsive. Ne fais pas comme tu es gros, parce que tu ne connais pas la vie à la fille là. Mais vu qu'elle est impulsive. Tu la connais? Oui. Tu connais la personne dont on parle aussi? Fais ça, tu la connais? Elle est impulsive. En fait, nous allons entendre cette impulsivité là-bas tout à l'heure quand elle va dire que si elle avait un match, elle va me couper. Et que Eli Tchabdaj m'adresse à toi, je vais te rencontrer, elle essaie, tu vas me sentir. Vous allez entendre ça là-bas. Et ce sont les gens qui disent qu'ils connaissent la ronde, ça se rassemble. Ils connaissent quel jour elle sort. Donc, elle peut, même si on ne connaît pas l'endroit, on peut la suivre, arriver ici avec la matière pour me couper. Donc, je vais résumer. Oui. Vous sortez d'ici de l'assemblée le samedi. Oui. Arrivé à la maison est fermée. Là où tu mets la clé, la petite qui reste à la maison n'est pas là. Oui. Tu appelles maintenant pour qu'on t'apporte la clé. La clé est censée être gardée chez l'ami de ton mari qui est pasteur. Oui. Entre temps, l'enfant pousse un cri, des cris, n'est pas même pas s'en stopper. Oui. Et puis entre temps, on envoie c'est la fille là-bas avec la clé. Oui. Tu lui donnes de l'enfant, oui. Le temps d'ouvrir la porte, vous entrez, elle reste sur la chaise, le temps de nettoyer, tu pars chercher l'eau. Oui. L'enfant commence à faire un jar. Oui. Et là maintenant, tu sors, tu cours avec l'enfant chez son père. Oui. C'est donc chez le père de la fille qui est venu tenir la clé. Il essaie de prier, puis il s'est dit, il ne faut pas qu'on dise qu'il y a une obstruction ou quoi que ce soit. Tu cours, tu vas à l'hôpital. Le centre de santé de ton quartier. Deux, hôpital de Boulamoussadi. Trois, à Luchem. À Luchem, on confirme qu'il est décédé. Tu sors, première réaction, tu as oublié tes effets et donc ton portable. Première réaction, tu penses qu'il y a une maman dédiée à côté. Tu vas chez elle, on dit qu'elle a la prière. Tu vas à l'enseignement de prière, on prie en aspergeant l'eau de Tibio Chahé, c'est là-bas. Puis on dit que tu rentres avec. Et là, nous nous trouvons encore chez Maman Lydie. Elle commence à appeler maintenant tes soeurs. Et puis ta soeur vient avec le téléphone. Premier réflexe maintenant, tu appelles maintenant le frère Junior. Parce que la femme a dit, là, appelle tes conducteurs. J'ai fait le résumé, pas vrai frère? C'est là où on se trouve maintenant. Assieds-toi, nous allons suivre ce qu'elle va dire, qu'il s'est passé. Et puis tu vas revenir dire la chose qui s'est passée. On y va frère? Papa, tu avais dit qu'on finit aujourd'hui. C'est cette base-là qu'on va finir. Aujourd'hui, tes yeux sont rouges comme le. C'est le frère qui dort. Tu dis toujours comme ça que tu ne dors pas. Reste, tu regardes comme tout le monde. Toi, tu dors quand ta tête fait comme ça, là, ta tête fait comme ça. Ne dors pas, reste comme ça là. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes nouveau, ceci doit vous faire vous former à bâtir votre foi. Que ceci ne vous fait pas éviter le chrétien. Soyez juste prudent. N'évitez pas le chrétien. Soyez prudent. Aimez toujours. Ça bavarde là dehors. On peut avancer. Elle a sommeil. Quand elle a sommeil, on pleure. On dort. Donc ça veut dire que c'est la sommeil. Peut-être la chaud. Elle a même dehors pour que ça ne dérange pas les gens. Donc écoute ma soeur, nous sommes ici avec Nadège qui est ce soir dans l'émission spéciale pour dénoncer le frère Tchabda. Tu es déçu, ma soeur. Ça ne te surprend pas. Ok, mais tu as dit que nous avons un bon thème désormais. Dans la première partie, tu as dit que nous avons un bon thème. Ça va. Mais là, suivant. Okay. L'enfant décède. Elle se met donc à courir dans toute la ville. Elle va chez les prophètes pour chercher les gens pour qu'on vienne la soutenir. Parce que tout le monde était occupé dans son assemblée le samedi. Alors elle appelle son prophète devant moi, le samedi vers 23h. Son prophète qui? Eli Tchabda. Elle appelle Eli Tchabda. Oui. Ok, devant toi. Donc, lorsque tu lances l'appel, donc souvenez-vous, on se retrouve chez Maman, j'ai dit, vous êtes des personnes ou bien vous êtes des gens. Vous me regardez comme ça, je dis maman, vous me regardez comme ça. Vous allez suivre l'événement qui se passe ici. Maman l'a dit, n'est-ce pas? Donc, certainement, elle a dit vrai qu'elle est présente parce que celle qu'elle veut de confirmer que c'est elle qui a apporté le sac et le téléphone. Donc, tu dis, tu acquiesces ça, n'est-ce pas? Que tu nous as appelé. Parce qu'elle a dit, tu as appelé son prophète. D'abord, on avance. Lui a-t-il déjà dit que je suis prophète? D'où vient-il qu'elle m'appelle prophète, ne me connaissant pas? Comment tu dis que tu ne sais pas? Dieu leur a révélé que je suis prophète ou bien tu leur as dit? Parce que si elle dit que je suis son prophète, ça veut dire c'est certainement que tu as parlé de moi chez lui que je suis prophète. Hein? Qui? Ou bien ils ont la révélation? Qui? Hein? C'est l'œil de Dieu, donc ils ont le discernement. Ah, mais c'est quand même terrible ça. Leur prophétie, ok, frère, c'est ça. Allons-y, suivez aussi. D'accord. Mes amis, écoutez bien ce témoignage. Ah, je vous dis la même chose, écoutez bien ce témoignage, c'est le témoignage. Thierry, ma soeur, c'est ça. Ah, Seigneur Jésus, allons-y. L'enfant vient de décéder, c'est son épouse qui prend le téléphone. C'est exact, pas vrai? Quand tu as appelé la première fois, qu'est-ce que tu es en train de faire là à Bofsamo? On est sorti de la radio, tu es en train de prêcher, c'est ça? Oui. On est en train de prêcher, Elle a reçu le coup de fait, elle allait dans la chambre, je ne sais pas ce que c'est. Dans les toilettes. Ils ont parlé à la toilette, juste à temps, parce qu'ils étaient en train de prêcher. Chez nos frères, chez qui nous étions. Il ne savait pas ce qui n'allait pas avec. Elle est rentrée, elle insistait. Quoi? Elle insistait avec le téléphone, J'ai dit qu'après ceci, parce que quand elle prêche, je ne veux pas qu'on l'interrompe. Même s'il y a n'importe quoi. Parce que je ne suis pas le Seigneur, j'ai Jésus. Même s'il y a n'importe quoi. Même si c'est mon propre enfant qui est en train d'agoniser, il ne peut pas arrêter. Parce que Dieu est capable de l'arrêter. Oui. Et s'il ne l'arrête pas, qu'il continue avec lui, parce que c'est lui qui avait d'abord donné. Voilà. Alors j'ai dit qu'après ceci, je vais l'appeler. C'est ce qu'il dit. Est-ce que quel était votre avant qu'on ne suive la conversation, quelle était la conversation? Qu'est-ce que mon épouse, quand tu l'as appelé, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, ouais, donc il est décidé, vrai. Non. Comment elle ne peut pas dire ouais sans que toi tu n'aies pas allé? C'est parce que quand tu appelles. Quand tu appelles, non, c'est elle qui doit parler, non? Je lui ai dit que l'enfant est décédé. Entre temps, ta petite soeur Nadège se trouve à côté de toi. Nadège est en face. L'enfant se trouve où? L'enfant se trouvait sur les reins de. Elle a vu l'enfant elle-même. Ta petite soeur, oui, avançons. Oui, qu'est-ce que mon épouse. Tu dis à mon épouse. Je lui ai dit que l'enfant est décédé. Vous entendez dehors. Courage, t'as commencé. Courage, ça, c'est pas facile. Ça a été un événement où certaines personnes t'ont dit tourne la page. Mais on aurait dû tourner la page. On a effectivement tourné la page. Mais nous sommes les chrétiens, nous devons affronter les difficultés. Avance. Tu lui dis que l'enfant est décédé. Est décédé. Après, il m'a dit que. Attends, quand tu l'as appelé, tu as dit que tu voulais me parler ou bien tu lui as dit le message directement. Qu'est-ce que tu lui as dit au téléphone? Je ne sais plus trop. Bon, elle t'a dit quoi? Elle a dit bonsoir. Oui. Elle aimerait te parler. Oui. Je lui ai dit que tu es occupée. Elle m'a donc dit la maison se trouve où? Donc, elle ne savait même pas que. Bon, maintenant, elle sait pas. Donc, oui, si tu as dit quoi? Oui, j'ai demandé. Que la maison se trouve où? S'il te plaît, la maison se trouve. Oh. Mais toi, tu es déjà venu à la maison? Oui. Mais tu as oublié là où la maison se trouve? Tu as oublié la route de la maison. Donc tu appelles. Donc tu appelles pour demander. Là, donc c'est la question que tu as posée à mon épouse, c'est que la maison se trouve où? Et donc, tu es donc venu ici à l'assemblée. Je n'étais pas à l'assemblée. Tu pensais que j'étais à la maison. Voilà. Donc tu venais comme ça à la maison me rencontrer. Oui. Après, j'étais allé à 6 endroits. Oui. Avec l'enfant. Oui. Oui, qu'est-ce que ma femme te dit? Elle me dit. Tu dis que la maison se trouve où? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit, ouais, nous ne sommes même pas à la maison. Hein. Voilà. Nous ne sommes pas à la maison. Tu sais qu'on a voyagé, non? Mais ici, à l'Omouni, l'Assemblée, vous ne saviez pas qu'on avait voyagé. Moi, je savais seulement que vous étiez un mari, c'est tout, mais je croyais que vous étiez déjà rentré. Je croyais que vous étiez déjà rentré. C'est ça que je lui ai demandé. Ah, vous n'êtes pas encore à rentrer. Tu as parlé à ta soeur en train d'écouter. Nous sommes même pas dans la ville. Oui, oui. C'est ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Et c'est là maintenant tu as dit que ton enfant est décédé. Oui. Oui, quand elle a dit que l'enfant est décédé, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Quand elle t'a dit ça, quelle était ta réaction? Qu'est-ce que tu as encore dit? Parce que tu as dit que tu voulais me parler. Elle a dit que je suis occupé. Quand elle a dit que je suis occupé, qu'est-ce que tu as dit? Non, elle était évasive. Et là tu es venu me convaincre, essayer de me convaincre de l'appeler parce qu'elle a des problèmes. Oui, parce que tu m'as demandé il s'agit de quoi. Je lui ai dit. Tu as dit que je t'appelle pour savoir de quoi il est question. J'ai dit que toi-même tu vas causer avec elle. Il faut qu'elle me mette des annonces. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, ok, quand tu vas finir. Oui, ok. Maintenant. Et quand tu as fini, je te mettais la position que ouais, appelle là. Tu m'as dit que. Je suis fatigué. Que tu es fatigué. Oui, et puis c'est dans le lit même que je l'ai à. Appelé. Je t'ai appelé à quelle heure? Une heure. À une heure là, tu étais avec elle encore? Avec ta petite soeur. Oui, nous étions maintenant rentrés déjà à ma maison. Donc vous n'étiez plus maintenant chez maman Lydie. Et sa maman, elle dit à sa femme que la femme vient de décéder. Vous êtes où est le domicile? Son époux répond que non, nous ne sommes pas là, nous sommes à Banganté. Vous avez entendu, non? Je vais vous dire des choses pour que vous compreniez que je vous ai dit que Dieu va toujours confondre les gens. Voici en quoi Dieu confond les gens. On n'a pas le temps, on devait ouvrir la Bible pour que vous compreniez ceci. Le Seigneur Jésus-Christ a été accusé. Les juifs savaient clairement qu'on ne doit pas condamner quelqu'un sans que quelqu'un ne soit là pour témoigner. Il faut donc qu'on cherche des faux témoins pour le soudoyer pour qu'il dise quelque chose. Et ils vont dire certaines choses donc qui semblent vraies. À un moment donné, Dieu va les confondre. Ils vont chercher des témoins, ils vont venir vers Jésus. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 10, vous prenez votre livre au verset de 19 et 20, le Seigneur Jésus-Christ va dire que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Les Juifs vont lui rétorquer qu'il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais. Il dit cela, la Bible, Saint-Esprit explique qu'il parle, il parlait du temple de son corps. Lorsqu'on va amener Jésus-Christ maintenant devant les souverains sacrificateurs, on va donc chercher les accusateurs. Et la Bible déclare qu'ils venaient et ne s'accordaient pas. Finalement, on va trouver deux, donc ils vont venir. Ils vont dire, nous l'avons entendu parce qu'ils cherchaient à faire ce que la loi dit. C'est-à-dire, même si on va mentir, il faut qu'il y ait deux témoins. Même s'ils ne disent pas la vérité. Ils vont dire, nous l'avons entendu dire qu'il va détruire ce temple et le relever en 3 jours. Mais c'est que littéralement que Jésus avait dit, vous, si vous détruisez, moi je vais rebâtir. Il n'a pas dit qu'il va détruire et il va bâtir. Donc ils ont fait l'erreur. Par conséquent, ce n'est pas le témoignage. Je n'étais pas à Banganté, j'étais à Bafoussam. Et tous ceux qui nous suivent sur Bamba Eba, chaque fois qu'un lancement se passait, j'envoyais au frère Eba maintenant. Chrétien prostitué parti 1 sur Dunamis FM de Bafoussam. Il dit que ma femme a dit qu'on était à Banganté. Donc il vient de dire que ma femme a menti. Donc on a menti même du lieu où on se trouve. Alors, ma soeur dit, l'enfant vient de décider, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, attends, je vais te rappeler, je vais d'abord parler au prophète. Vous avez entendu? Ma femme ne m'appelle jamais prophète. Attends, d'abord, posez la question, peut-être c'était sa grâce qui l'a induit en erreur. Pendant que tu parlais, tu avais mis le haut-parleur. Mon téléphone est sur haut-parleur. Oui, donc je ne peux pas entendre sans haut-parleur. Ok, donc forcément, ça veut dire que si ma femme parle, tu vas devoir entendre mieux, parce que c'est encore haut-parleur. Ma femme a prononcé que je vais prendre le prophète. Pourquoi ta soeur fait ça? Il y a un but. Il y a un but. Quel est le but de ma soeur? Ça va se savoir. Ça va se savoir. Elle va en parler au prophète. Elle appelle ma soeur. Prophète Elie Chabda. Quel beau titre, pas vrai? Pour rien. Donc, vous voyez effectivement que, écoutez très attentivement, parce que le but c'est de dénoncer un faux prophète. Il faut qu'on me mette au standard de prophète, même si on va mentir que je suis prophète, même si on va dire que c'est moi qui dis que je suis prophète, pour me mettre dans ce standard-là pour parler. C'est pour ça qu'il a nécessité sur le prophète. Vous comprenez, n'est-ce pas? Elle dit à ma soeur que l'enfant va reçoive, que l'enfant va ressusciter. Attendez, il faut que je reprenne, c'est pour vous suivre. Chose, on va consulter le Seigneur. Quiconque regarde, c'est son épouse qui prend le téléphone. Elle dit à sa femme que la femme vient de décéder. Vous êtes où est le domicile? Son époux répond que non, nous ne sommes pas là, nous sommes à Banganté. Alors, ma soeur dit, l'enfant vient de décider, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, attends, je vais te rappeler, je vais d'abord parler au prophète. Elle va en parler au prophète, elle rappelle ma soeur. Prophète Elie Chabda. Elle dit à ma soeur que l'enfant va, il reçoive que l'enfant va ressusciter. Voilà, c'est très intéressant. La personne qui est dans les problèmes se trouve en milieu de nous. Ma soeur, lève-toi, tu viens. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de faire un procès. C'est ta soeur, petite soeur qui était présente, qui a entendu dire des choses. Et ils ont dit que leur émission, notre émission, la crainte de l'éternel, n'est pas la crainte de l'éternel. Pour eux, c'est le retour à la parole. Et ils doivent dire toutes choses selon la parole et selon la vérité. Est-ce que c'est sorti de la bouche de ma femme ou de ma bouche que, parce qu'elle a dit que c'est ce qu'elle a reçu, qu'on a dit qu'on a reçu que l'enfant va ressusciter, oui ou non? Non. Pourquoi cette fille-ci fait ces choses-ci? Selon toi, pourquoi elle fait ça? Je sais. Ah, ta soeur, ma soeur. Souviens-toi, il t'a dit que tu dois aimer ta soeur de la bonne façon. Cette fois-ci, et tu dois devenir davantage. Parce que toi-même, tu as confirmé qu'elle est embrouillée, elle est manipulée. Et si elle est manipulée, ça veut dire qu'il y a les princes, les puissants, les ténèbres là-bas dedans. Donc regarde que c'est eux qui sont le problème, pas ta soeur. Il faut l'aimer, d'accord? Mais vous suivez ça? Maintenant, suivez maintenant la récal. Quoi, le brouhaha ou bien l'enthousiasme que ça suscite. L'effervescence, merci mon frère. Ok, on s'arrête là. Donc, là il est important que vous avez bien écouté bien. Donc, c'est une soeur qui témoigne, un témoin oculaire. Hein. C'est pas un témoin éloigné. Vous avez vu, n'est-ce pas? Thierry, pourquoi ma soeur? On a dit c'est un témoin oculaire. Et Dieu merci. Comment? Quand on dit témoin oculaire, pas un témoin audieux. Donc celui qui a assisté à la scène, vous pouvez assister à une scène, puisque je vous dis chaque fois, c'est que quand je donne les instructions dans la première partie, je dis que allez dire ce que j'ai dit. Parce que c'est une chose que d'entendre une chose, c'est une autre chose que d'aller redire la même chose. Donc on dit qu'on va s'arrêter là. Parce qu'elle a dit que j'ai dit que on reçoit, que ma femme a rappelé pour dire qu'on reçoit, que l'enfant va ressusciter. Et ma femme ne l'a jamais appelé avant que je ne finisse de prêcher, parce qu'elle est venue, c'est quand jusqu'à j'ai fini de prêcher tard. Je me suis même couché, elle m'a rappelé que c'est elle, c'est dans le lit qu'elle a rappelé que ah, tu as dit que tu devais appeler telle soeur, que je l'ai appelée. Et on va arriver au niveau de cela. Il est 23h10, mais c'est merveilleux tout simplement. C'est nécessaire qu'on continue, n'est-ce pas, mes soeurs? Si on laisse là, vous rentrez, vous n'allez pas bien dormir. Je veux qu'on arrive au moins au niveau de là où il parle de son mari. Et que là, on peut arrêter, d'accord? Mais on a souffert d'entendre ceci. Frère, m'a de courage, d'accord? Tu vois, tu vois que c'est pas toi ce qui a le problème ici, dehors. Tu vois, il y a des problèmes. Oui, ma soeur. Oui. La raison peut-être pour laquelle elle dit que vous avez dit que Dieu va ressusciter l'enfant. Oui. C'est peut-être quand vous avez appelé, quand j'ai appelé là, elle a dit qu'elle a entendu et les gens m'ont demandé que mais les gens de ton église viennent. Attends, allons-y, tu dis. Oui. On a. Parce que le meilleur ami de mon mari était là. Oui. Il m'a demandé. Quand tu dis même, c'est celui qui a prié en premier lieu, non? Oui. Oui, allons-y. Il me demande que. Qu'est-ce que toi tu as dit? Oui, qu'est-ce que moi j'ai dit? Il me connaît, lui me connaît. Et ils appellent tous les leaders, les pasteurs. Ils savent qu'il y a toujours un leader qui est un pasteur. Oui. Qu'est-ce que ton pasteur, ton leader a dit? Non, mais lui, celui, il a dit leader et pasteur. Je ne sais plus très bien les termes. Il y a des dirigeants, un peu comme ça. Il a dit, Ma soeur, attends, tu permets que je te pose une question. Oui. Quand tu as quitté l'assemblée de ces gens-ci, oui. Est-ce qu'ils avaient un ressentiment contre toi? C'est ce que j'ai l'impression. Non, ne fais pas le sourd oreille. Oui. Tu comprends bien la question. Ne fais pas que tu, comme tu fais qu'il n'y a pas de pression. Parce qu'il y a un endroit, ils vont parler de là, que tu étais rebelle dès le départ. Hey. Comment tu dis, hey? Donc il faut que tu nous expliques si toi également, vous avez des problèmes. En fait, parce que d'abord, de toute façon, ce n'est pas toi qui es la cible ici. Mm-hmm. D'accord, on a seulement exploité ton histoire. Mm-hmm. Ce que je veux savoir, c'est que lorsque tu as quitté là-bas, ou bien et même quand tu as commencé à venir ici, y a-t-il des assemblées où tu allais de temps en temps sans être ici? N'aie pas honte de dire. Quand j'ai commencé ici. Oui, quand tu as commencé ici. Y a-t-il des lieux de prière en dehors d'ici où tu allais en dehors de chez eux? En dehors de chez eux. En dehors de chez eux, chez les Denver. Depuis que tu as quitté là-bas, est-ce que tu es encore rentré là-bas? Non. Ok, donc je pose la question. Depuis que tu viens ici, est-ce qu'il y a des lieux où tu as commencé au moins à aller pendant que tu étais avec nous ici, de temps en temps? Je partais souvent saluer maman Régine Noutem. Noutem, c'est qui? Régine Noutem, dont je parle là. Dont on a dit qu'elle est, oui. Qu'elle est un peu dans les ténèbres, oui. Là. Je ne parle pas de salutation, c'est autre chose. Suis bien la question, je pose, ne me tourne pas. Je partais, donc je assistais à l'heure, je la salue à la première personne. Laisse la salutation, ma soeur. Tu comprends bien ce que je voulais dire. Je voulais dire que, y a-t-il des lieux où tu partais de temps en temps aussi, en dehors d'ici? Oui. La question a son sens. Oui. Quels sont les lieux où tu allais? Dis. Jean Calvin. Alors, mais tu connais ces choses-là, ne fais pas le fait comme si tu viens de comprendre. Que tu viens de comprendre, parce que je sais pourquoi tu viens de dire. Jean Calvin, c'est qui? Jean Calvin, c'est comme je vous ai expliqué, c'est celui qu'on a connu la réforme avant que Choran implante. Donc, ça veut dire que ceux-là également ont connu la réforme avant Choran aussi. Voilà. Donc je ne suis pas seul ici, d'ailleurs. Oui. Mm-hmm. C'est bon, là, maintenant. Donc, maintenant, pendant que tu venais ici, de temps en temps, tu allais chez Jean Calvin. Oui, je partais chez Jean Calvin, chez Janvier, pardon. Ah. Oh, pardonnez-moi. Janvier, c'est qui? C'est Janvier. Qui est qui maintenant? Vous connaissez Janvier, non? Celui qui devait ouvrir la radio là. Ok, donc qui travaille avec eux? Chez les Janvier là-bas. Je voulais voir. Oui. Attends, Janvier n'est plus avec eux. Janvier n'est plus avec eux. Et donc Janvier était avec ces gens-ci. Janvier était avec ces gens-ci. Pourquoi il est parti? Parce qu'il a remarqué que les choses qui se passaient n'étaient pas biblique. Conformes à la parole. Mais eux, ils parlent qu'ils sont à la retour à la parole. Il vous dit, j'interroge chaque fois, il pose la question, il y a des pourquoi. Pour vous comprenez, frère. Je m'excuse si je suis long, mais je suis obligé d'entrer dans ces profondeurs-ci. Donc, tu allais chez Janvier. Je suis là parti chez Maman Régine. Maman Régine. Mmh. Mmh. Mais quand tu partais chez Janvier, quel était le rapport? Y avait-il des conflits que tu semblais entendre des conflits entre lui, Janvier et celui-là? Vous parliez de cela? Le jour justement que je suis arrivé, oui. Ils étaient en train de parler d'une éventuelle paix. Entre eux. Entre eux. Mmh. Ça a eu lieu? Jamais. Ok, ne jamais. Ne rentre pas là-bas. Ça sera. Peut-être qu'ils vont dénoncer un jour le prophète Janvier cette fois-ci. Ce sera son problème. Et Jean Calvin? Non, quel est le rapport entre Jean Calvin et eux? Non, Non, je n'étais plus, je suis allée chez Jean Cavin. Jean Cavin m'a plutôt assisté, il m'a assisté seulement. Ok, maman Régine, tu as dit c'est Régine. Maman Régine nous t'aime. Attends, c'est maman Régine, tu vas chez lui quand ton mari a décidé. Ici, le moment où tu dis que tu es en train de partir chez elle. Oui, c'est quand mon mari est décédé. Attends, est-ce que tu as repris le bout que tu viens là-bas? Est-ce que t'as, puisque tu as dit tout à l'heure qu'un t'a appelé au téléphone pour dire que c'est ton père qui a mangé ton mari? Oui. Ok, quand tu es là-bas, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a confirmé ça. Elle t'a dit face à face cette fois-ci. Face à face. Mm-hmm. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a. Entre temps, pendant que tu es allée comme ça, ta petite soeur aussi était là. Hein? Elle était là. Donc vous partiez ensemble. Oui, puis c'est ma petite soeur qui est en contact direct avec elle. Ok. Et de temps en temps, quand tu venais ici, donc quand tu vas aller là-bas, de temps en temps, tu venais aussi ici. Non, pas de temps en temps. Je suis allée là-bas. Une fois. Une fois. Et la deuxième fois, c'était pour aller pour annoncer. Là. Voilà. L'anniversaire. Oui, parce que c'est une maman qui. Bon, bref, qui aidait souvent l'enfant de vouloir aller s'aider. Ok. Donc, nous étions au niveau. Donc, vous allez comprendre tout pour le pourquoi les questions se sont posées. Oui. Donc. Tu dis que tu voulais expliquer un peu le pourquoi ta soeur en train de dire, essaie d'expliquer la pensée, pourquoi elle a dit que on a reçu du Seigneur et dit que c'est notre langage, que c'est nous qui l'avons appelé pour dire qu'on a reçu du Seigneur, que l'enfant va ressusciter. Oui. Est-ce que mon épouse t'a dit ces choses qu'elles ont dit là? Non, mais. Est-ce que moi j'étais appelé, j'étais dit cela? Tout ce que je sais, oui. Que j'ai reçu, que on peut avoir grâce. Vous avez suivi? Voilà le thème. Donc, on peut avoir grâce. Stop. C'est ce que j'ai dit. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous avez ouvert la bouche, vous avez suivi, vous avez, les oreilles, vous avez suivi. Suivi. Qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, je crois que c'est moi qui ai dit cela, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Oui. Écoutez très attentivement. Vous avez suivi ce qu'il dit à cette femme, c'est quand je l'ai appelée. Parce que quand je l'ai appelée, quand je l'ai appelée, j'ai dit que c'est quoi ma soeur? Parce que ma femme ne veut pas. Parce que ma femme ne veut pas dire ce qui s'est passé, comme on a dit là. Vous êtes avec moi. Ma femme ne m'avait pas raconté ce qui s'est passé. Donc quand je suis dans le lit, elle me dit maintenant qu'il y a le cas de la soeur Sandrine qui se passe. Il dit ok, c'est quoi? Donne-moi le téléphone. C'est elle qui m'a mis la personne qui appelle. J'étais fatigué, j'ai appelé, j'ai dit ma soeur c'est quoi? Elle a dit que l'enfant est décédé. Qu'est-ce qu'elle en fait? Je suis resté tranquille, mais l'enfant est décédé comment? L'enfant était malade. Elle m'informe qu'elle était ici à l'assemblée. J'ai dit à l'assemblée. Elle m'a dit, c'est pas ça ma soeur. Elle m'a dit qu'à l'assemblée, il dit, mais. L'enfant était malade pendant qu'elle était à l'assemblée. Elle dit non. Il dit mais. Et l'enfant est décédé, comment c'est un accident. C'est quoi? Je veux savoir ce qui ne va pas. Elle dit que non. L'enfant, elle est rentrée. Bon. Donc, tous les détails qu'elle a donné tout à l'heure, là, que l'enfant, elle venait dans le corps, on n'avait pas ça. C'est ici qu'on a tous les détails dans la procédure. Maintenant, l'enfant décède. Elle me dit que l'enfant décède. Voici la question qu'elle me pose. Voici la question qu'elle me pose. Elle dit que on fait comment? Je suis d'abord resté tranquille un moment, n'est-ce pas? Quand elle a posé la question, je suis resté d'abord un moment. J'étais aussi le lit, pensif. Parce que c'était un choc. C'était un choc. Vous saisissez ça? C'est un choc. Tu dis, l'enfant sort de l'assemblée. Il sortait de l'assemblée. Il dit, quelle assemblée? Il dit, je ne savais même pas qu'on était samedi, le jour où on était de prêcher, qu'il était amené de prêcher à Bofsam. Elle dit qu'elle sort de l'assemblée. Et l'enfant est choqué. Il dit, mais qui a prêché à l'assemblée? Il dit que c'est le frère avec quelque chose comme ça là. Il dit, mais l'enfant avait-il un problème pendant que vous étiez à l'assemblée? Il dit non. Il dit, mais c'est pas croyable. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, elle n'a pas donné le détail qu'elle a donné ici là maintenant. Maintenant, elle dit que, elle me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois ce qu'il dit. J'ai dit que je vais appeler le conducteur, ils vont venir, on peut avoir la grâce du Seigneur. C'est ce qu'elle a dit là, n'est-ce pas? D'où vient-il que celle-ci dit qu'on a reçu du Seigneur que l'enfant va ressusciter? Vous me vous entendez, n'est-ce pas, frère? Vous entendez? Et la même chose, puisque nous sommes dans la nuit. Il dit, mais nous sommes dans la nuit. Je ne lui réponds pas, parce qu'on a fini tard. Entre-temps, elle est tard aussi, chez elle, comme elle a raconté. Je pense que c'est 1h. À cette 1h-là, j'ai appelé quelqu'un, ou c'est, je sais pas, ces gens-là sont partis. Je crois que c'est celle-ci que j'ai appelé, ou quelqu'un, j'ai appelé, que tu es où, pour savoir que son numéro de téléphone ne passait pas. J'ai envoyé le message, et quand je l'ai eu, quand c'est frère Jimmy que j'ai appelé, mais qui, quelqu'un parmi les conducteurs, j'ai dit à une personne que apparemment la soeur Sandrine, avec qui vous étiez à l'assemblée, a des problèmes, allait chez elle très tôt le matin. C'est ce qu'il a dit pour prier. Maintenant, nous sommes tard dans la nuit, ça c'est 1h, 2h, on n'a pas dit au frère qui était à Bafoussam. Le lendemain, j'ai tenté de prier. Comme le frère Hachid dormait au salon, je suis allé au frère, c'est le grand matin, je vais au frère Hachid, je dis qu'il y a une situation qui se passe à Douala, je ne sais pas ce qu'il en est. Vous saisissez ça, frère? Quand le frère Hachid va rentrer, si lui-même il a conservé, il s'est retiré devant le Seigneur. Quand il va rentrer, lui-même va vous rencontrer sa version. Maintenant, le frère Hachid dit que c'est quoi, frère? Il venait, je vais le réveiller très tôt. Il dit que voici la situation qui se passe. Il dit que ah, c'est là où il m'a dit, c'est que le Seigneur lui a parlé depuis 4 jours. Elle a eu de cette soeur-ci. C'est quoi ma soeur? J'ai du mal à dire quelque chose. Oui. C'est le même soir qu'on dit au de la part. Non, ça ne peut pas être le même soir, puisqu'on a fini de prêcher. Frère Achille, les autres sont partis, mais il y avait d'autres sont restés. Parce que je me souviens bien que, avant de prêcher un autre enseignement le lendemain, puisque le lendemain c'est dimanche, et on doit se réunir le dimanche matin. Avant de prêcher le dimanche matin, c'est ça que je parlais, puisqu'il y avait la maman de celle-ci qu'on allait prendre à Badjoun. Elle était là, tu te souviens. Donc c'est ces jours-là que je l'ai annoncé. Frère Achille était au courant. Non, non, je dis que Frère Achille était d'abord au courant. Moi j'ai parlé de ça à Sœur Charlène la nuit. Ah, donc ça veut dire que tu as fait le concert avec elle. Donc, ouais, tu, les choses se passent toujours dans mon dos. Alors j'ai dit aux frères là-bas, avant qu'on ne commence le dimanche, qu'on en ait de prier le matin, j'ai dit que notre soeur là-bas, je mets d'abord entre parenthèses ce que j'ai dit à frère, ce que le frère Achille m'a dit la concernant, qu'il a reçu, que quand il a dit ça, c'est là qu'il se souvient qu'il a reçu cela. Qu'il y a une Sandrine qui a un problème avec un enfant garçon, 4 jours. C'est pour ça que quand vous avez des révélations, pour présenter, même si vous ne comprenez pas, présenter. Je vais laisser le soin de dire que le frère Achille vient lui-même dire ce que dans cette vision, le Seigneur lui a dit comme étant la cause qui se trouve chez cette femme-ci. Je n'ouvrirai pas ma bouche pour dire. Vous avez ça saisi. Quand le frère Achille viendra, il va dire ce qu'il a eu comme vision, ce qu'il a raconté de cette soeur, ce qu'il a vu de cette soeur, ce qu'on lui a dit. Et puis il va dire ce que, puis là, pendant qu'il a des prières pour lui, ce que le Seigneur va dire, qui se trouve dans la maison. Donc c'est au frère Achille de dire cela. Je ne dis pas cela. Je raconte l'autre volet. Alors je dis donc à 10h le matin, quand le frère, on a laissé l'assemblée, dit frère, il y a une situation à Douala, mettons-nous à genoux, on prie Dieu, il peut nous accorder là. La grâce, la même chose qui se passe. Donc les frères de Bafoussam, on se met à genoux, on prie, on recommence là au Seigneur, on continue dans la prédication. Vous avez suivi ce qui se passe, n'est-ce pas, frère? Mais celle-ci, elle entend le message plus que moi. Elle me prête le message de Dieu. Et son leader ramasse là comme profiteur pour pouvoir faire ce qu'il peut faire. Ça, ce n'est pas seulement cela. Bien plus, lorsqu'on dit que je suis à Baganté, que je ne suis pas à Baganté, je n'ai pas mis les pieds à Baganté, c'est déjà un problème. Et on me taxe des prophètes. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas mon ministère où je me trouve. Ils vont s'embrouiller sur ce qu'ils vont savoir. Un tel va dire là-bas qu'il s'est fait appeler évangéliste. Je ne me fais pas appeler évangéliste. On m'a donné le nom là, je l'accepte. On a donné le nom chrétien aux chrétiens. Ils acceptent sa volonté, pas vrai? On a donné ce nom là. Et à vous ici, je vous ai demandé que vous pensez que. Quelle position? Je vous ai posé ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Vous là, vous pensez, en me voyant prêcher au milieu de vous exercer, vous pensez que je suis qui? Les uns ont dit d'une façon, l'autre a dit, c'est pas ça, frère? Mais quelqu'un qui est à l'extérieur, qui ne me connaît pas, connaît que je suis prophète, dit que je suis, j'ai dit que je suis prophète. On peut avancer ici. Que Dieu vous bénisse vraiment pour votre temps. Elle a vécu la scène, son neveu est décédé, donc sa soeur persévère dans, je ne vais pas dire cette assemblée, cette chose, d'accord, qui se trouve à Maquépé aux immeubles. Une boutique, quoi. Qui se trouve à Maquépé aux immeubles. Donc c'est une boutique ici. Mais n'oubliez pas, c'est ça, ces choses que vous allez entendre, qui va permettre, donc on se met à genoux devant Dieu, non, pour prier pour eux. Vous avez suivi, non, c'est une boutique ici, donc c'est tellement on fait le commerce ici. Cette chose, oui, il a le droit de dire n'importe quoi. Comment il a le droit de mettre à cette, de n'importe quel nom, d'accord, frère? Puisque la bouche a été faite pour parler. L'enfant de sel, elle appelle la femme du monsieur, qui se fait appeler prophète. Et... Vous avez entendu ça? Elle appelle la femme du monsieur, qui se fait appeler prophète. Chabda, d'accord? Et la femme répond, attends un instant, je vais consulter le prophète. Est-ce que tu as dit, chérie? La parole est sortie ici aussi. Il y a un problème, mes amis. Il faut consulter Dieu, non? Première chose, on doit consulter le Seigneur. La soeur qui est dehors, ça s'appelle comment? La soeur Thérèse. Donc, vous voyez que lorsqu'il fallait savoir entre le Vin Dongo ou de moi qui voulais envoyer au Gabon pour le ministère de Dieu, on a consulté Thérèse pour savoir si les enseignements de Ndongo, qui est censé être serviteur de Dieu, est biblique. Les gens qui ont l'œil prophétique. Ils ont dû consulter une fille qui n'a jamais lu la Bible pour savoir si l'enseignement de Olivier Ndongo ou de moi était bien pour pouvoir. Papa, t'en ne dors pas. Tu bouges la tête que tu ne dors pas. Tu suis vraiment bien. Ouvre les yeux en suivant. Donc, pour savoir que les enseignements de frère Olivier Ndongo étaient bien ou pas, ils ont consulté le Saint-Esprit, n'est-ce pas, frère? Ils ont consulté qui? Donc, ils ont dit. Enfin, ils ont dit. Il dit bien, c'est là la mesure que tu seras mesuré. On va te mesurer. Donc il a de vouloir se moquer de cette soeur-ci. C'est celle qu'on veut se moquer maintenant. Que, ou bien, peut-être c'est peut-être de mon épouse. Que Attan n'ait pas consulté le prophète. Ce n'est pas un tort. Donc selon les écritures, de consulter les prophètes. Si c'est un biblique, il devait savoir au moins cela. Les prophètes sont là pour cela. Les prophètes ont la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont établis. C'est pour ça qu'on les appelle porte-parole. C'est pour ça que Dieu les a laissés dans l'église. Quiconque regarde le Seigneur sera sauvé. Est-ce que ça a à voir avec quelque chose? Donc on peut citer le verset biblique n'importe comment. Ça n'a rien à voir avec cela. Quiconque invoque le nom du Seigneur, ça n'a rien à voir avec cela. Elle est déjà sauvée. Donc n'invoque pas le nom du Seigneur pour être sauvée. Elle veut chercher une situation. De la même façon comme tu vas encore prier malgré que tu es chrétien pour savoir si c'est la volonté de Dieu que tu épouses telle personne. De la même façon comme parmi eux, ils ont dit initialement que le mariage vient de Dieu. Mais ils vont signaler ici que c'est par rébellion qu'elle allait se marier. De la même façon qu'ils vont dire cela. D'accord. Maintenant, elle va consulter son Seigneur, bon, son Dieu, ce prophète, entre guillemets, Elie Shaddai. Et ils disent quoi? Qu'ils ont reçu du Seigneur. Que l'enfant allait être sauvé. Allait être ressuscité. Allait ressuscité. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Voilà, dans ce tour. Souvenez-vous, c'est une émission spéciale qui s'est passée sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai dit que pour vous qui avez des cartes de mémoire, vous pouvez les clés, je vais vous en donner. Mais je suis sûr, donc, ils vont même passer en révision, même deux ou trois fois, pour que ça soit bien passé en boucle. Diffusé sur radio, sur réseaux sociaux. Souvenez-vous de ceci. Plus on parlait de Jésus, même quand Jésus disait qu'il n'allait pas parler, les gens parlaient, publiaient davantage. Ils publient. Et vous remarquez que la première calomnie qu'on fait de moi, je n'avais même pas d'abord les possibilités de faire que l'enseignement sorte sur le plan international. Le fait que la première personne, Nama, a fait l'état de quelqu'un qui de loin de la Côte d'Ivoire pour venir me dire que frère Junior, Dieu m'a envoyé vers toi. Donne-moi les enseignements qu'il publie sur le net. Donc tu avais les enseignements comme ça. Voilà, c'est maintenant qui bénit les gens. Ceci va encore, c'est une autre bénédiction. C'est pour ça que je dis que ce sont mes bénédictions. Ok. Continue, ma soeur. Alors, quand il lui dit ça, on décide donc de rentrer à son domicile. Et quand on arrive. Donc, ça veut dire qu'on a dit ça. Tu as dit que c'est quand vous êtes rentré. Maintenant, il dit que vous étiez encore là-bas. Qui a vrai maintenant, qui a tort? Donc, ça veut dire que tu es resté là-bas dans la nuit, là, jusqu'à ce que j'appelle. Tu étais chez maman, il dit. Hein, ma soeur? Mais il dit que quand je t'ai dit ça, vous avez décidé de rentrer à votre domicile. C'est un faux témoignage, pas vrai? Nous sommes d'accord. Il va à son domicile, on prie. On se rend compte que l'enfant ne change pas. Qui priait quand vous êtes rentré à son domicile? Qui priait? Tous ceux qui étaient là, mes soeurs et le pasteur. Et le pasteur. Mais dans ce soir-là, on ne cite pas le nom. Vous voyez, on ne cite pas le nom. On dit qu'on se rend compte parce qu'il voulait savoir qui était allé prier là-bas. Donc ça dit que son voisin, les gens, et même elle était avec qui elle aussi. Elle priait aussi. Mes soeurs. Elle t'a suivi. Tes soeurs là sont aussi chrétiennes. Mais elles ont prié que aussi qui sont comme ça. Elles priaient donc. Ok. Donc, et elles sont avec elle aussi dans le même lieu. La petite d'Elisabeth, oui. On ne peut pas travailler comme ça. Fais que ça s'attarde, ça s'attrouvait là-bas dehors. Donc, la dernière, Elisabeth, est prise avec. Elles sont chez les gens-ci. Oui. Elle est aussi prise sur l'enfant. Oui. Alors, je m'écarte de côté, je demande Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur me dit, prends Hébreux 3, verset 17 à 19. Donc, elle pose la question au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur lui dit de prendre Hébreux 3, comme elle a dit là. Donc, c'est sur l'enfant qu'elle demande, l'enfant. Dieu lui donne Hébreux. Allons-y, c'est Dieu parle, hein? Eh hey, mon frère, en cette minute, je vois la néné, il ne sait même pas de rire là-bas. Comment tu ris comme ça? Tu veux? Quand je lis le passage, ça me fait peur. Donc le passage l'a effrayé. Hébreu, elle a dit Hébreu quoi? 3, 17 à 19. Mais ma soeur soutient que son prophète a dit que l'enfant va ressusciter. C'est ce que tu as dit, pendant que tu as prié, c'est ce que tu as dit. C'est ta soeur qui dit comme ça que tu dis que. Et toi tu dis ici non. Elle dit que c'est toi qui as dit cela. Et tu dis elle a de détester, elle dit que tu as dit que ton prophète a dit que Dieu, l'enfant va ressusciter. Que tu as dit ton prophète. Oh, nous, on se base même plus sur les rêves. Il y a un rêve que. Vous voyez que. S'il te plaît, bien. Sois avec elle aussi. Vous savez. On ne peut pas entamer quelque chose qui est intéressant, ça vous laissez que les enfants bavardent pour pouvoir déranger. Vous voyez que voici encore une autre chose maintenant qui est encore sortie, que je n'étais pas au courant. Attendez, est-ce que tu as fait droit voir? Quand vous asseyez dans le fauteuil confortable, ça vous amène. Voilà. Donc, voici, ça veut dire qu'il y a encore un autre rêve. Donc, ça veut dire que ta soeur en train de dire que c'est ton prophète qui a dit que l'enfant va ressusciter. Et toi, tu dis que vous basiez sur le rêve. Qui a rêvé? Ma petite soeur Elisabeth là et moi. Donc Elisabeth qui est dans leur assemblée. Oui. Elle a eu un rêve. Oui. Attends, elle a eu le rêve quand que l'enfant est mort. Non, quand elle était encore à la maison, elle n'était pas encore dans l'assemblée. Attends. Elle était à la maison après la mort de mon mari. Après la mort de ton mari, c'est Elisabeth a eu le rêve de quoi? L'enfant est mort, c'était moi aussi également. Toi aussi tu as eu cela? Oui. l'enfant est mort et ressuscité. Oui. Toi également, Elisabeth a eu cela. Oui. Elisabeth a raconté ça à qui? Elle nous avait raconté ça. Nabel, c'était. Et le jour-là, même on a encore parlé de ça. Attends, d'abord, laisse le jour. Oui. C'est Elisabeth qui raconte le rêve. Celle-ci était là, écoutant. Elle connaissait. Vous avez suivi? Et toi-même, tu as eu le songe. Oui. Tu as raconté à qui? Le jour-là, quand elle s'est levée, elle a raconté. Est-ce que moi aussi, j'ai fait le même rêve? Le même rêve? Oui. Je veux que vous, je vous laisse seulement le soin de suivre ce qui est dit. Avançons ici. C'était pour moi. Pendant qu'on prie donc pour l'enfant, elle est venue porter l'enfant, la mener dans la chambre. Elle portait le cadavre. Oui, elle l'a mené dans la chambre. Elle a passé la nuit avec le cadavre. On est resté dans le salon en train. Donc ça veut dire que quand vous êtes rentré à la maison, vous avez commencé à prier. Vous entrez dans la chambre avec l'enfant. Et tu étais dans la chambre avec qui? J'étais seul. Tu priais sur le cadavre. Qu'est-ce que tu priais? Tu priais quoi? Tu priais que comment? Qu'est-ce que tu disais? Tu ne sais plus même ce que tu priais. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez voir les chrétiens qui ont demandé 100 choses à Dieu. Vous demandez qu'est-ce que vous avez prié le 25, il ne peut pas dire. Donc ça veut dire même si Dieu exauce, on ne peut pas savoir. Donc, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle demandait. Mais ça veut dire que dehors, il y avait Nathalie, Elisabeth, il y avait celle-ci. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a aucun des membres de cette assemblée ici au milieu? Il y avait quelqu'un parmi là dans la nuit? Non, ok. De louer et adorer l'Éternel. Mais à notre grande surprise, elle a dit que ces gens devaient arriver à 5h du matin. Donc, ça veut dire qu'elle a été racontée une histoire qui se passe dans la nuit. Et dans la nuit, il y a déjà la prière qui a laissé passer là-bas. Et elle dit que celle-ci a dit que son prophète a dit que l'enfant va ressusciter. Nous voulons entendre que c'est un rêve qui a dit cela. Et que sa petite soeur qui était dans son assemblée à elle a déjà dit cela. Et celle-ci dit qu'elle a aussi eu le même songe. Maintenant, toi, quand tu as eu le songe là que ton enfant est mort ressuscité, ça t'a pas... c'est quand ça aussi? Dans la même période, après la mort de ton mari, tu as eu le songe que ton enfant se devait mourir, mais qui devait ressusciter. Ok. Maintenant, avec le recul, qui a donné ce songe? Et à toi et à ta petite soeur. Tu ne sais. Vous devez savoir, vous devez admettre avec moi et avec le Saint-Esprit. Ces gens-là sont de dormir. Vous devez admettre avec moi, avec le Saint-Esprit, que nous avons un problème au milieu de l'église. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord que nous avons un problème au milieu de l'église. Nous sommes à 17 minutes seulement. Il y a encore une heure quelque chose à suivre. Mais quoi qu'il veuille avancer là? On s'est d'abord posé la question à savoir que, mais on dit que l'enfant est mort maintenant. Vous dites que vous venez à 5h du matin. Comment se fait-il que de 23h, vous venez à 5h du matin? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ce sont ces questions qu'elle pose à elle. Ne sachant pas que celle-ci en est de vivre, mais c'est que ça se passe, n'est-ce pas? C'est pas normal. Si vous avez reçu quelque chose, vous deviez déjà être là. Donc, vous voyez comment on peut tourner les choses, n'est-ce pas? Donc, c'est vers 1h30 que moi je l'appelle. Il dit que les gens ont vu ça à 23h30 que l'enfant devait ressusciter. Et c'est sa petite soeur à elle, Elisabeth, qui a eu le songe que l'enfant devait mourir et ressusciter. Et ce songe n'est même pas le même jour, c'est que depuis que son mari est décédé. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On essaie de décoller ça partout, coller ça sur le prophète Chabda. Alléluia. Vous êtes fatigué? Bon, comme elle était celle qui était éprouvée, on a évité de parler devant elle. Pour éviter de... Non, écoute maintenant, c'est que c'est passé dans le cœur. Là, écoute, vous en direz. Oh, t'as choqué. De la choquer. À 6h, quand il s'amène, il commence ses prières. Et... Donc, qui s'est amené? Les anges, les disciples de Lydia Chabda. Qui sont mes disciples ici? Pourquoi vous riez? Je pose la question. Qui sont mes disciples? C'est ça, c'est le langage de ta soeur. Écoute très attentivement. Donc... De la même façon que ce garçon de Hervé, il pose des questions parce qu'ils se sont arrangés. Ils ont posé des questions avant de venir à l'antenne parce qu'on n'est pas venu surprendre là-bas. Je vous allez vous poser des questions maintenant. Je vous prends sur le tas. Comment, frère? Non, non, ne dis pas que c'est moi. Non, non, non. Ils ont dit que c'est l'émission spéciale. Ils rendent grâce à Dieu qu'il a donné ce jour. Comment on dit que c'est un casting? On ne peut pas suivre le fou, comment? Fais attention au langage. Il dit qu'on ne les insulte pas. On ne prend pas ce langage là, d'accord? On ne prend pas ce langage. Ne faites pas cela. D'accord, donc il n'était pas dans la ville. Lui-même, il n'est pas venu. D'accord. Donc, elle essaie d'arranger en disant que donc, lui-même n'était pas dans la ville. Elle dit que, elle ne dit pas que oui, lui-même n'était pas dans la ville. Elle dit plutôt que lui-même n'est pas venu. Vous comprenez comment, au fur et à mesure, on a enfoncé le couteau. Lui-même n'est pas venu. Soit disant, c'est lui qui a porté la vision que l'enfant doit ressusciter. Vous avez entendu? Donc, voici quelqu'un qui me donne les visions. Pour la communiquer. Mais là, il communique à ses oreilles. Vous avez entendu ça? Tu dis d'aller prier pour que l'enfant se ressuscite. Vous avez entendu, non? Et même, il ne met pas son pied. Waouh. 10h passent, midi. Non, toujours en train de prier. Toujours en train de prier. 14h, je reviens. Je demande qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu. On me dit non, non, non, ce n'est pas eux qui doivent me répondre. Donc, elle dit, elle pose la question, qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu. Pourtant, elle aussi a reçu de Dieu. Elle a vu Hébreux 3 quelque chose. Et puis, ça l'a effrayé. Elle avait demandé quelque chose de Dieu, mais Dieu l'a effrayé avec Hébreux 3, 17. Et puis, elle vient maintenant pour. Elle, après, elle a prié 6h, 9h, 6h, 7h, 8h. 10h. Ah, celui-là, je ne parlais même pas, c'est les gens qui priaient. Donc, je crois qu'il devait être là pour nous dire ce qui s'est passé. 10h, 11h, je crois qu'on est. Il faut qu'on finisse cette affaire-ci. Il faut qu'on en finisse. Donc, jusqu'à 10h, elle revient. Elle demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que votre Dieu vous a dit. Ça, c'était seulement te prier simplement. Non, les gens ne comprennent qu'ils n'ont même pas d'intimité avec Dieu. Donc, on dit qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. Hein, frère de l'ancien. Écoute. Tu écoutes, hein. Frère, dis-moi, ouais, le frère est venu, il a fui. Frère, va voir, tu le supportes maintenant. C'est des bénis, oui. Donc, vous êtes bien. Bénis, oui. Les autres qui sont dans la chambre, qui vont sortir, qui vont nous dire ce qui ne va pas. Ma soeur sort donc subitement de la chambre, je lui demande comment ça se passe. Elle me dit que non, l'enfant devient flexible. C'est ça que tu as dit, c'est ce que tu lui as dit. Il devient flexible, c'est-à-dire quoi? Il devient de la fronde. Flexible, c'est-à-dire quoi? Comme il était pleuré, il devient. Ah, c'est pas vrai. Je m'approche vers l'enfant, je m'approche vers la chambre de l'enfant et sans le cadavre. Je dis que, ok, c'est quelle histoire ça? Je dis, ok. Après, je vais devant l'Éternel, je demande que Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il demande enterrer. Donc, elle demande à l'Éternel, souvenez-vous, l'Éternel lui a d'abord donné Hébreux 3. C'est ça, frère. Donc, elle va encore devant l'Éternel. L'Éternel lui a dit, l'Éternel, souvenez-vous, c'est l'Éternel qu'elle a utilisé. L'Éternel lui dit enterrer. Je rentre la bonne essai, je dis, bon, il faut qu'on l'appelle pour lui d'appeler sa belle famille et enterrer le corps. Mais ça m'a dit que non, il faut qu'on supporte ce qu'elle est en train de dire. Ils ont prié jusqu'à 18h, 20h. De 6h à 20h. Oui. Ils ont porté leurs chaussures. Faire du métier, pourquoi? Vous avez même fini avec Dieu ici, là, sur la terre, ici. Donc, vous n'avez pas la révélation d'enterrer. Vous n'avez pas les chaussures. Non, non, ta bouche a sorti, maintenant. Tu vois, tu n'as pas les chaussures que tu as enlevées là-bas. Donc, frère, dis-moi, vous priez avec les chaussures. Je cherche à entendre les informations qu'on me donne là. Vous avez enlevé les chaussures en disant que nous sommes dans la terre sur laquelle nous tenons, elles sont. Hein, frère, dis-moi, allons ici. Ils sont partis. Frère, bon, tu as porté ta chaussure, vous êtes parti. Ce qu'on a laissé là. Pour continuer à prier. Tenez-vous. Là, on demande qu'est-ce que votre Dieu a dit. Quels sont ceux qui sont restés ou à qui on a posé ces questions? Qu'est-ce que votre Dieu a dit? C'est qui? Ah, toi, tu étais là. Hein? Ok, c'est qu'elle a dit de dire là. Elle dit qu'elle a dit que ton Dieu est où? Tu connais la personne qui a dit parler? Toi qui parle le sommet, donc laissons le temps. Parce que je ne pense pas qu'on sait le même Dieu. Qu'est-ce que votre Dieu a. Donc, tu comprends que ta soeur, elle me dit que vous ne savez pas le même Dieu. D'abord, c'est évident, puisque ici c'est la boutique, c'est une chose, c'est l'assemblée de Satan, et ainsi de suite, d'accord? C'est évident. Elle me répond qu'il faut attendre jusqu'au matin. Qui a donné cette réponse à cette fille ici, qu'il faut attendre jusqu'au matin? Puisqu'elle a dit que ceux qui. Puisqu'elle. C'est pas comment? Attends. Toi, tu étais là-bas. Hein? Vous avez dormi là-bas. Donc, parce que d'après ce qu'elle raconte, les personnes qui priaient avaient porté les chaussures sont parties. Donc, ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont répondu cela. Oui, toi, tu dis que la soeur Malice avait dit quoi? Que c'est parce qu'elle donne le repas, elle dit qu'on a dit qu'on attend jusqu'au matin. Oui. Parle là, ici. Toujours au fait, oui. On a demandé d'attendre. Elle dit qu'on attend jusqu'au. Puisque sa soeur est venue, elle menaçait. Au fait, elle est venue. Au fait, oui. Quelle soeur? Quelle soeur vient me dire? C'est ce qu'elle a parlé ici. Quand elle est venue me trouver à la cuisine, elle m'a demandé de dire à ma soeur, quand elle parlait comme ça de Marie, que dit à ta soeur, tu me connais. Attends, toi tu la connais justement. elle dit si c'est dégagement. Elle dit tu me connais. Avertis ta soeur là. C'est elle que c'est elle que tu disais qu'elle voulait être pasteur. Donc à ce moment, si elle est pasteur, elle va même t'appeler pour que les gens croient. Elle buvait le vin, frère, sans qu'il ait la vue voir le vin. Je connais bien, c'est passé peut-être plein de remarques. Donc elle buvait juste parce que tu ne sais pas si l'esprit du vin est sorti. Est-ce qu'il y a l'esprit du vin, frère Sam? Oui. Tu me connais, non? ouais. Dis à ta soeur là, tu me connais non? Elle dit comme ça, de petite, sa soeur se vient Malise. Elle parlait de Malise. Qu'est-ce que Malise lui avait fait? Malise est donc venue. Oui. Parce que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dehors. Oui. J'étais à la cuisine. C'est là où ma soeur Malise vient nous trouver. Mais c'est pas ici. À la cuisine. Elle est en train de répliquer aussi à la soeur là. À cette Nadège là. Oui, elle est en train de parler aussi. À Nadège. Oui, avec autorité aussi que. On a dit que. Dans, on attend. Donc c'était chaud là-bas. Et quel était l'état du corps? Le corps était en train de pourrir. Donc vous voyez effectivement qu'ils en ont parlé. Maintenant je pose la question, on dit, nous nous trouvons ici, elle dit, d'après ce qu'elle raconte là, il était 20h. C'est ça, n'est-ce pas ma soeur? Elle a raconté que cet événement s'est passé vers 20h. Tu me suis un peu, je veux que tu nous donnes le site parce qu'il veut poser une question. Elle dit que l'événement si c'est à 20h, le corps est en train de pourrir. Je vais te poser la question sur le corps en train de pourrir. Ça veut dire que nous sommes ici dimanche. C'est ça, non? Oui, dimanche à 20h. L'enfant est décédé la nuit. Enfin, quand c'est la nuit, c'est entre le samedi et le dimanche. Parce que tu es allé à l'hôpital, il se fait une heure que tu as appelé. Donc, on était là en plein dimanche. Est-ce que c'est normal qu'en un jour, l'enfant meurt comme ça, commence à pourrir? Je pose la question dans vous. Papa, tu as une question. Oui. C'était 23h, parce qu'on a enterré vers minuit. Non, je ne suis pas encore à l'enterrement. Je suis en train de parler au niveau de ce qu'on a dit ici. On a dit de l'informer ici là que l'enfant pourrissait déjà. Oui, oui. Le papa, tu voulais dire quelque chose. Tu as été au courant de tous ces événements-ci, de tout ce qui se passe là. Oui, je suis. Bon, je dis que, elle dit que l'enfant meurt, vous avez quitté ici. Peut-être que l'enfant est mort à l'hôpital entre minuit et 1h, dans cet intervalle. Hein? Donc, des dimanches, donc ça, le jour, la nuit de samedi à dimanche. Donc, de la journée de dimanche jusqu'à 20h. C'est normal que l'enfant pourrait. Sauf si l'enfant avait été malade pendant longtemps. L'enfant était malade pendant longtemps. Mais est-ce que l'enfant. Elle a dit ici que l'enfant n'était pas malade. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant avait une voix aussi. Vous avez entendu ça? Je n'étais pas là, donc c'est vous qui avez vu le cadavre. Je ne sais pas comment l'enfant. C'est comment? C'était comme. Toi, tu as vu? Oui, frère, c'est toi. Oui, frère. C'est là-bas, quand même, où elle a lancé le paragraphe. Parle à haute voix, mon cher, ou bien je vais continuer ici. Frère, à l'endroit où elle était. Elle avait parlé que l'enfant pourrissait là. Oui. Là, franchement, moi, ça m'a étonné. Ça t'a étonné pourquoi? Que l'enfant pourrissait? Je me suis posé franchement la question. Oui. Mais comment un être humain peut mourir à moins de 20 ans, 8 heures? Oui. Il commence à pourrir comme ça. Il commence à pourrir, il change directement, il transpire encore. Il transpirait? Oui. Transpire. L'enfant transpirait. Très bien. Quand je me suis posé la question, ça m'a revenu une fois, une idée qu'un jour, j'ai trouvé une souris morte. J'ai tapé une souris directement, ça commence à sortir de la souris. Ça, c'est déjà des événements que je vois oui. À travers des choses comme ça. Tu es arrivé à quelle conclusion? Quand tu as réfléchi, tu as dormi aussi là-bas. Hein? J'ai passé une heure. Oui, quand tu as vu ces événements, ça s'enchaînait devant de toi. L'enfant meurt subitement, le sang sort, les urines, et puis il pourrit en instant, en moins de 24 heures. Comment, frère, papa Tani, tu es scientifique. Comment on peut expliquer cela? Ça va, merci frère. Quand c'est un peu de vous dites qu'on va dire quoi? C'est quoi donc? Donc, si toi le scientifique, ça te dérange, dis à ce que ça va avec tout le monde. J'ai vu quelqu'un, l'ex-directeur de la CIP, se décomposer comme ça, à moins de 48 heures. Il décède. Avant d'une journée, il décède le matin à 11h. À 14h, il se décomposait, mais là, c'était mystique. Oui. Il y avait dans cette tête, c'était parce qu'il s'est enfui d'un coup, c'est compliqué. Il y en a fait peur. Il était mort à 11h, à 16h, on a fait son corps. Ma soeur, paranormal. De toute façon, quelque chose. Ma soeur, il y a quelque chose que j'ai suivi. On a dit que tu as dit que quand ton mari est mort, à la franchise de ces. Quelque chose comme ça, si je me trompe, je ne sais pas où c'est ici que j'ai entendu, je ne sais pas qui a dit que lorsque ton mari est décédé, qu'on a fini d'enterrer ton mari, quand tu as avancé dans le seuil de ta porte, tu as prononcé une parole qu'on a tué ton mari, qu'on tente de tuer ton enfant. Quelque chose comme ça là. Est-ce que tu as dit cela? Je ne sais pas si j'ai bien repris. Je sais pas. C'est là-dedans qu'on a dit cela. Dans un an. Voilà, mais c'est horrible. Donc, apparemment. Oui. Comment? J'ai dit un truc comme ça. Tu répètes ce que tu avais dit parce que j'ai suivi ça là-bas. Ta soeur a dit ça. Oui. J'étais assise sur la chaise. Ça, c'est dans ta maison? Dans la maison. Après la mort de ton mari? Après la mort de mon mari. Oui. On n'avait pas encore enterré. Donc il était à la morgue encore. Oui, je savais pas encore que c'était mon père. Donc pendant que je racontais aux gens qui étaient venus me consoler, ils me demandaient comment ça s'est passé, je racontais. Pendant que je racontais, mon père était assis avec l'enfant. Attends, ton père était venu physiquement, hein? Oui, physiquement. Dans la maison du deuil, oui, aussi. Oui, dans la maison du deuil. Oui. Il était assis là à côté, physiquement, avec l'enfant. Il parlait très fort. Il disait, tu vas venir à la maison avec ta mère. Tu vas aller dans telle école. Hein. À l'âge, si tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Là, tu savais d'ailleurs que ton père était le religieux chrétien. Oui, je savais. Tu sais, attends, depuis combien de temps tu sais que ton père est religieux chrétien? Depuis que je vis là-bas. Tu viens d'abord avec ton père, on est quitté. Oui, je suis marié là-bas. Quelle base, qu'est-ce qui t'a amené à croire qu'il est dans la rose, quoi? Il ne cache pas. Ah, lui-même, il dit qu'il est résurrectionné. Oui. Tu vois les pratiques à la maison, hein? Oui. Quelles sont les choses, par exemple, à la maison que tu as remarquées? L'encens, il a une chambre noire, tout. Les livres, pas, il ne cache pas. Donc, il a une chambre spéciale. Comme il a mis ça, la croix renversée, c'est là, le salon, quand tu arrives, ça ne se cache pas. Donc, chez vous, là-bas, c'est officiel? C'est officiel. Ok. Ok. Sur quelle base, sur qu'est-ce qui t'est arrivé que tu dises ces choses? C'est la parole là qu'elle a dit. Oui, justement. Pendant qu'il parlait, il parlait tellement fort. Ma soeur était assise ici. Ma soeur qui est ma belle Marie. Oui. Elle est ici à ma belle. Et tu pouvais, papa, doucement, elle est en train de raconter. Il dit que laisse-moi tranquille. Puis il parlait, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Oui. Subitement, j'ai senti comme quelque chose me saisit. Oui. Je ne sais pas. Subitement, j'ai senti quelque chose me saisit. Un an, trois mois de mariage, je donne à la personne qui se repente. Oui. Oui, que la personne se repente. La personne qui a tué ton mari. Oui. Et là, tu n'as pas encore l'information, c'est ton père qui a tué. Oui, et tu as lui parler comme ça, c'est un an. Oui. Et là, tu as lui parler comme ça, ton père est assis, il a de l'attendre. Il est en train d'entendre. Et quand tu dis ça à haute voix. J'ai parlé à haute voix. Tout le monde entend. Tout le monde entendait. Ah, de temps, Nadej se trouve là. Nadej était assise à côté de mon père. Là, elle savait déjà que ton père qui a tué. Non, on le savait. C'est après qu'elle est allée. Oui. Ok, avançons. C'est pendant la période qu'ils ont eu leur convention là. Elle ne savait, personne ne savait. C'est donc là que, quand j'ai dit ça, après je me suis assise, j'ai continué à raconter l'histoire tranquillement. Mais ça me regarde. Là, tu as raconté quelle histoire? Comment la mort de mon mari s'est passée? Oui, j'aurais souhaité que nous entrions dans ce chapitre, mais c'est tellement long. Oui. Y avait-il un signe prémonitoire par rapport à la mort de ton mari? Il y avait les événements qui, lorsque tu regardes, tu vois que c'était normal, que ça se voyait venir. Y avait-il des événements? Sinon, on passe rapidement, on avance. Vous voulez dire, avec ton mari, est-ce qu'il y avait quelque chose qui semblait comme si c'était la mort qui venait, qui annonçait la mort? Non, laisse les fourmis, ça c'est sur les choses. Voilà. Donc avançons ici. Donc tu as dit donc, qu'est-ce que tu as prononcé de ta bouche par rapport à un an? Parce que j'ai suivi, elle a parlé d'abord de un an, trois mois. Ce qu'ils ont dit, un an, trois mois de mariage, je donne à la personne qui est responsable, puis il confesse, il partira. Et c'était donc comme ça. Après subitement, mon père dit, hé, Santé, ne dis pas ça. Ton père lui-même? Oui. Hé, Santé, ne dis pas ça. On ne dit pas ça, il a commencé à me regarder autrement. Moi, je ne savais même pas ce que j'avais fait, je vous avais dit. Oui. C'est là où et ton enfant est mort à quel âge? Un an, trois mois. Donc, sur cette base, parce que l'interprétation qu'on en fait là-bas, c'est parce que c'est long, c'est que un an, trois mois, tu avais dit de ta bouche qu'un an, trois mois, la personne qui a tué ton mari, son mari, s'il ne se répand pas, lui-même va mourir. Oui. Et maintenant, un an, trois mois, ton enfant, un an, trois mois, elle lui aussi meurt. Par conséquent, elle a intérêt de se poser la question, ce n'est pas l'enfant qui peut avoir tué son père. Oui, on veut déduire là que c'est cet enfant-là qui a tué son père, c'est pour ça que ta parole l'a tué. Qu'est-ce que tu as dit, hein? Qu'est-ce que tu en dis alors? Je ne sais pas. Qui va savoir? Pensons ici. Le sang sortait dans le sud, les narines de l'enfant. C'est vrai? Oui. Le sang sortait sur le narine de l'enfant. C'est quelle est donc la cause de cette chose? Vous avez dit que l'enfant coulait la sueur. C'est ça? Il était devenu noir. On a tué maman. Qui a tué? Parce que quand elle courait comme ça, oui. C'est qu'on a tué par Mystique. Mystique. Comment tu sais ça, maman? C'est comme ça qu'on voit. On va parler de vous qui aussi, même les prophétesses dans leur église là. Quelle prophétesse? Donc elle dit que c'est comme ça qu'on voit. Non, parce que quand l'enfant meurt en même temps, Comment ça a pourri? C'est un peu pour eux. Mais attends, toi, tu étais. Les autres, qui les ont avant de pourrir comme ça, là, le totem. Attends, qui a le totem? Il y a les petits enfants comme ça, quand on le met dans le totem. Donc, s'ils mettent comme ça, ça le fait qu'il pourrisse. Hein? Oui. Explique-nous. Tu as vu de tes cas comme ça? J'ai vu. Mais vous avez vu les choses. J'ai vu l'autre, même jusqu'à le matin, comme ça, l'enfant est tombé dans l'eau. On a sorti l'enfant dans l'eau. Après. On a sorti l'enfant à 7h le matin. Oui. Avant 10h, l'enfant. Pourrissait. Gonflait. Avant qu'on porte, avant d'arriver au village, les yeux des enfants sortaient déjà. Au quartier. Ouais. C'était un enfant. Un enfant d'un voisin. D'un tchang. Il a vendu. Bon, de toute façon, ils sont le tchang. Tu es allé chez la soeur si tu as vu l'enfant. Quand ça s'est passé? Non, je n'ai pas compris. Alors, tu savais qu'elle avait eu deuil, hein? Non, il a compris ça dans 4 jours. 4 jours après? Mm-hmm. Ok. Quelqu'un voulait parler là? Tu voulais parler? Ok. La mousse, l'enfant est en train de pourrir. Il sentait. Il y avait les odeurs. C'est ce qu'elle a dit, c'est vrai? C'est vrai. Donc l'enfant pourrissait, sentait. En l'espace de moins de 24 heures, frère. Le pu sortait. Le pu. Le pu sortait où? Aux oreilles. Aux oreilles. Je dis, comment encore il pose la question à cette soeur-ci? Cette enfance avec un signe de maladie avant? Ok. Chers auditeurs, j'espère qu'on vous écoute. Après ça. Ok, non, si je comprends bien, plus il priait, plus l'enfant pourrissait. Plus il priait, plus l'enfant pourrissait. Ah, du mal maintenant. ne riez pas. Et, donc, plus vous priez, plus l'enfant pourrissait. C'est ça? C'est ça, ma soeur. Pourquoi tu dis encore, tu dis maintenant que Hervé, tu veux protéger maintenant Hervé, n'est-ce pas? C'est ton frère, oui, amen. Donc, il a dit, il voulait poser la question à Nadège, il dit que plus, donc si je comprends, plus il priait, plus l'enfant pourrissait. Elle dit oui. Plus il priait, plus l'enfant pourrissait. Donc, elle a repris ce qu'il lui a dit. Donc, il lui a mis les mots dans la bouche, comme Nathan a mis les mots dans la bouche de Béchéba pour parler à David par rapport à son fils Salomon. Plus il priait, plus l'enfant est en train de pourrir. Donc elle recommence encore à dire la même chose, elle réitère. Alors, témoin oculaire. Vous avez entendu, n'est-ce pas? C'est ta soeur, témoin oculaire. À un moment, je me suis sentie fatiguée. J'ai voulu m'asseoir, on a posé, elle me dit, qu'est-ce que tu dis? Je dis que moi, je ressens que je vais enlever l'enfant. Elle me dit, ok. À un moment, on prend les pains pour aller creuser. Voilà une soeur de Touri Chéri Tchabda qui dit que le prophète a dit qu'on ne l'enterre pas. Qui avait dit ça? Elle a dit quoi que le prophète a dit qu'on n'enterre pas. Hein? Où est Malise là? Toujours au fait, non, là, ça va, au fait. Il faut attendre demain matin. Qui a dit ça qu'on attend demain matin? Personne. Je dis, c'est ce qu'elle a dit qu'elle était là, c'est Thomas Oculaire. Qui a dit qu'on attend demain matin? Le prophète a dit de ne pas l'enterrer. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Alors que l'enfant en décomposition avancée. J'ai dit quoi? Il a peine, on peut passer par derrière parce que par le derrière ça. Imaginez que les autorités descendent. Vous allez dire que vous êtes en train de faire quoi? Ok. Donc tu as dit que les autorités vont descendre. Oui, je lui ai dit ça. Elle me... Ta soeur t'a dit ça. Et, non, le prophète a dit que j'ai dit que si tu ne veux pas que je te tape. C'est elle est chrétienne. Goliath, hein. Donc toi tu as peur d'elle. Elle est comme gigantesque. Hein? Donc ça, elle a dit qu'elle va taper qui là toi? C'est à toi qu'elle dit. Ou bien? Je dis la vérité, si tu ne veux pas que je te tape et que je sorte la. Donc vous avez eu chaud là-bas, vous là. Matière sur toi. Quelqu'un sort la matière. Ça, ce sont les gens qui sont dans le retour à la parole. Donc elle est capable de sortir la matière. Elle est comme ça. Ta petite c'est comme ça. Très bon, ça ne dit plus rien. Mets-toi encore là pour parler les choses des familles des gens. On vous a supporté depuis hier. Aujourd'hui est passé. Si vous voulez me mettre l'enfant là-bas, on ne peut pas mettre l'enfant. Déjà, avant que nous continuions, l'étape que nous a raconté ici, de l'hôpital de ton voisin jusqu'à Ngozi, ainsi de suite, elles connaissent là. Oui. Elles connaissent là. Non. Elle ne connaît pas l'étape de Ngozi. Donc, il voulait dire que toutes les étapes là, comment ça s'est déroulé là? Est-ce qu'elle connaît? Peut-être qu'on est quand je racontais aux gens, c'est pas. Quand tu racontais, elle était là. Oui. Ah, non, mais de toute façon, c'est Elie Tchad qui est la cible, de toute façon. Vous avez jonglé les gens. Jonglé, vous avez fait la même chose au deuil de son mari. C'est là que je vais arrêter. Donc, je voulais que ça touche justement le deuil de son mari. Et vous avez suivi ce qu'on a dit ici de son mari, n'est-ce pas? Suivez attentivement. Il dit qu'on a fait la même chose au deuil de son mari. Suivez. Non, c'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Donc, vous avez entendu. Je vous ai dit que je ne vous. Si, mais comme la session, c'est un peu. Si il laissait ceci d'abord, ça devait influencer ses réponses. C'est pour ça que j'ai voulu poser la question depuis le deuil de son mari, la mort de son mari, avant de venir ici. Exactement quoi? Son mari, lui, était plutôt à la mort. On dit que l'enfant, il va se réveiller demain. Ok, c'était une relation de toujours et Tchadin. Ouais. Non, attends. C'est grave ça. Mes amis, chers auditeurs, la rue dira le premier point de part aux œuvres, insensuer les ténèbres et condamner les deux. D'accord, maintenant, mes frères. Entre nous maintenant, eux là et moi, qui est en train de prendre part aux œuvres infiltrées des ténèbres? Vous voyez ce qu'il en est. Donc, je vous dis encore que vous avez besoin d'une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de prêcher la Bible, parce que ce qu'ils sont en train de prendre, c'est des versets bibliques. Ils prennent les versets bibliques pour dire n'importe quoi, ça sera juste, mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est le mensonge. Parce que les gens de doctrine de prospérité ne peuvent pas venir prendre les versets sataniques pour vous dire, ils vont prendre les versets bibliques. Mais ce qu'ils vont dire, c'est le mensonge. Mais ça, c'est le retour à la parole. Considère. Vous voyez? Et ça encore, c'est une personne, c'est une sœur qui a vécu des choses. Pendant que la belle famille était en train de faire les problèmes. Par rapport au décès du mari de ta sœur. Au décès de maman, mari de ma sœur. Mmh. Les sœurs étaient en train d'appeler ma sœur dans tous les téléphones. Oh, ton mari va se. On a eu les révélations, ton mari va se réveiller. Il veut que tu dises au milieu de l'assemblée qui t'a appelé parce qu'elle a dit que les gens, bon, sous réserve, on a dit que ce sont les soeurs, on n'a pas encore dit que c'est de l'église de Ilibetian Chabda. Quelles sont les soeurs qui t'ont appelé pour dire qu'on a eu la révélation que ton mari va ressusciter des morts? La soeur Victorine Johnny, elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Mm-hmm. Elle est où? Elle était chez Evan, je crois que c'était. Viens. Vous entendez les choses, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc la personne qui apparemment l'a appelé pour lui dire. C'est une ex-personne qui est de leur propre assemblée, ceux qui sont en train de me dénoncer. Elle s'appelle comment? Victorine? Victorine Jack. Victorine Joanny. Victorine Joanny. Donc, c'est celle-là qui. Bon, de toute façon, c'est combien de personnes t'ont appelé pour te dire ça? Une seule. Une seule. Mais il a dit que les téléphones sonnaient de partout. Vous entendez? Les choses ont leur place. Que le téléphone sonnait de partout pour lui dire que son mari va ressusciter des morts. Et quand il dit le téléphone sonne de partout, ça veut dire que ce sont les soeurs ici, les gens ici qui appelaient. Mais voici la concernée une fois de plus. Souvenez-vous de la première partie, il demandait que, est-ce que d'une façon ou d'une autre, je prononçais quoi que ce soit contre eux quand ton mari est décédé. Elle a dit quoi ici? Non. Voilà. Maintenant, celle-ci va sur les antennes et ils ont dit que ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Même à la mort de son mari, c'était comme ça. Et les gens appelaient de part et d'autre pour dire qu'on a eu le témoignage, la révélation que c'est. C'est pour ça que je pose la question pour qu'elle nous dise qu'il avait appelé. Elle dit que c'est une Victorine Joigno. Qui est Victorine Joigno? C'est une soeur qui persévère là-bas. Donc elle a reçu leur propre esprit. Ok, avançons. Qu'est-ce que cette fille-là, cette femme-là, Victorine-là, est déjà venue ici? Jamais. Ok. Elle me connaît? Non. Ok. Ok. Le matin, là, je me lève. Elle dit que prier pour que mon mari se réveille. C'est ce que tu as dit ça. Quand Victorine t'a dit ça, oui, tu lui as dit ça. Oui. Tu as dit à Nadine, à Nadège, oui. Ok, sur l'avant. Tu dis que ma soeur, vous savez, la vérité est souvent difficile à accepter. Mmh. Et quand je lui disais, elle savait que je vais la blesser, mais j'étais fatiguée de voir qu'elle ne pleure pas son mari, parce que qu'on a l'espoir que son mari va se réveiller. Parce que entre deux, le prophète et Chabda a prophétisé. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous avez entendu. J'espère que vous avez entendu Nadine. Mmh. Ok. Donc, je suis seulement à 23 minutes. Je vois ici la fin, c'est 1h58 minutes. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin. Je voulais à tout prix qu'on touche la partie de son père. Que vous entendez. Je n'ai pas suivi ça jusqu'à la fin parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dit vers la fin, là, pour tout ce qu'ils ont dit. Mais si vous avez. On se disait que le mari va se réveiller. Vous avez entendu, frère bien-aimé. Ça se trouve maintenant sur Internet. Les gens vont écouter, d'autres vont prendre leur position par rapport à moi. Il n'y a pas de problème. Je m'en réjouis parce que c'est une bénédiction et un trophée. Alors, je lui dis, ma soeur, le mari ne va pas se réveiller. Elle s'est levée, elle me dit, rien de moi, Satan. C'est ce que tu as dit à ta soeur. Oui. Pourquoi tu lui as dit ça? Parce que j'étais convaincue. Qu'est-ce qui t'a donné cette conviction? Est-ce que c'est Chabda qui t'avait dit cela? Non. D'où vient-il que ta soeur l'a dit que c'est moi qui t'ai dit cela? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que tu lui as dit que c'est moi qui t'aurais dit? Non. Ok. Donc, ce prophète est venu dans votre famille, il a signé la religion. Ouais. Suis-je venu dans votre famille, ma soeur? Vous, vous suivez, non? Attends, ça, ça va attendre. Est-ce que je suis venu dans votre famille? Hein, ma soeur? Non. Avec cette fausse prophétie. Vous entendez, non? Pas partout. Oh. Parce que je connais pas une assemblée qui ne parle pas de l'amour. Vous entendez? Elle dit qu'elle ne connaît pas une. Elle dit que ce n'est pas tout. Je ne connais même pas une assemblée qui ne parle pas de l'amour. Écoutez tout attentivement. Parce que je ne peux pas. Il a toutes les visions sur tout dans sur cette terre. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Que j'ai toutes les visions sur tout sur cette terre. Écoutez. Mais il a une loi chez lui qu'il est incapable de comprendre, que Dieu ne l'a pas révélé, que loi est attachée à cause du manque de pardon. Cette émission se passe alors que vous vous êtes pardonné. Qu'est-ce que tu en dis, ma soeur bien-aimée, qui t'entend bien avec ta soeur? En fait, ce n'est pas toi la cible, c'est moi la cible. Que j'ai des visions partout. Vous savez, c'est un peu comme ce qui est arrivé chez le prophète Tibé Joshua. On a dit de lui qu'il voit les avions par-ci, il voit les avions par-là, mais il n'a pas vu l'immeuble de sa maison qui est tombé. Il y a beaucoup à dire dans ce ministère prophétique. Mais la Bible déclare qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Ok, il y a la question qui est ta soeur. Qui est ma soeur? Ok. Je ne connais pas une assemblée ici dehors qui dit que est ton père. C'est ce qu'il enseigne. Mon Dieu. Puisque quand tu vois une œil pratiquer un truc, ça veut dire que c'est ce qu'on accepte. Ah, ok. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est là où on se retrouve au milieu de l'église. Donc j'enseigne ici que est ton père. Et cet enseignement, celle-ci a pris ça, elle est son père. Et apparemment, certainement, je lui ai enseigné que comme ton père est rosicrucien, elle. C'est ce que le frère Junior enseigne. Comment tu veux tuer? J'ai dit qu'il ne veut pas entendre ça ici, là, comme je dis que vous fassiez tuer. Il dit qu'elle ne connaît pas une assemblée où on n'enseigne pas l'amour. Elle n'est jamais venue ici. N'est-ce pas? Donc, elle connaît, sans venir, elle connaît ce que j'enseigne et que je n'enseigne pas l'amour. Il dit que je rends grâce à Dieu parce que c'est audio. Pour que vous entendez, vous savez effectivement ce que cette personne fait et que vous-même vous imaginez l'esprit qui est en train de l'animer. Elle dit, je n'enseigne pas l'amour. Elle ne comprend pas comment une noix. Ouais, c'est même quoi? C'est donc tu es canard, les enfants du canard. C'est ça? Hein? C'est ça? Donc, c'est une oie qui est chez nous comme ça là. Elle est son père, on peut lui dire qu'elle est son père. J'ai dit, tu rentres, si tu rentres, tu crées problème à cette femme, si tu auras des problèmes avec moi, il y avait toute l'assemblée. Parce que si là, je ne peux pas te laisser quelque part, on entend que je ne parle pas avec mon père. Tu te mets, je me mets, on accepte ça. On va dire que Jésus n'est pas là. Jésus n'existe pas là. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Avant de venir ici, là, tu parlais avec ton père, il y avait quoi? Je crois qu'on a posé cette question ici dès le départ, n'est-ce pas? Depuis combien de temps tu t'es séparé? Depuis quand tu t'es séparé? Quand tu étais à Denver chez eux, tu habitais avec ton père? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu quittes ton père? Quand je suis marié. Oui. Mon mari est venu me prendre là-bas. Oui. Alors ton mari est venu te prendre là-bas? Oui. Et là tu es parti? Oui. Oui. Qu'est-ce qui a causé le quoi entre toi et ton père? Ce qui a causé le quoi entre mon père et moi, c'est justement ces morts-là. La mort? Que c'est elle qui est venue t'annoncer que c'est lui qui a tué. Voilà. Donc si on comprend très bien. C'est plutôt elle qui a semé la haine sur ton cœur par rapport à ton père. Parce que si elle ne t'avait pas dit cela, tu ne te serais pas séparé de ton père. Mais elle vient dire que c'est moi qui t'enseigne, je n'ai pas aimé ton père. Qu'est-ce que ta soeur est en train de chercher avec mon nom? Donc c'est depuis le jour où elle vient te dire que c'est ton père qui a tué ton mari et que ce sont ses prophètes à elle qui ont révélé cela. C'est ce jour-là que tu as commencé à créer la distance. Je dirai quoi? Amen. Que même si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-le. Amen. Tu as pardonné à ton père? Oui. Quand ça? Parce que ta soeur te donne une leçon ici. Oui. Oui. Et pour les enfants, on dira que les enfants doivent être soumis. Oui, soumis. Tu crois celui qui parle là, c'est Salomon, n'est-ce pas? C'est Salomon là. Il s'était présenté Salomon. Quand à leurs parents? Est-ce que Dieu était fou de lui déposer dans cette famille? Et lui, tu as fait trop de gaffe. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on peut suivre quelque chose sans vous déranger? Donc, elle dit, Elie Chabda a fait trop de gaffe. Je vous en ai suivi, frère. Là-bas derrière, vous suivez. Et non seulement il est orgueilleux, c'est lui qui me rencontre personnellement parce que je cherche à le rencontrer. Donc voici quelqu'un qui cherche à me rencontrer, elle connaît exactement où j'enseigne. Elle affirme que je suis orgueilleux sans me voir. Vous avez suivi ça, hein? Vous suivez Néron? J'espère qu'il a l'écoute. Je suis à l'écoute, ma soeur. Non seulement il a bu de lui-même. Elle dit que je suis à but. Enfin, c'est ça qu'elle a dit, quoi? Mais, bon, suivant. Et en plus de cela, il a des fausses prophéties. Des prophéties sataniques. Eric Abdas, c'est à toi que je m'adresse personnellement. Je suis là, maman. Prends le courage, je me rencontre personnellement. Je suis là. Ou invite-moi dans une de tes émissions. Oh, ce jour-là, c'est les ténèbres qui vont nous séparer. Alléluia. Non, c'est quoi avec les clés USB là? Donc. Je ne sais pas. Il y a la partie que tu présentes à les enfants là. Comment, ma soeur? Alors qu'on présente, on accouche les enfants vraiment. La partie qu'il met, la partie où elle dit que fait les enfants. Ça va sortir là-bas, c'est moi qui le dis. Donc quand on fait l'accouche des enfants, on vient présenter les enfants au Seigneur. Je ne sais pas où ça se trouve, où bien ça se trouve. Mais souvenez-vous de cela. Quand on est animé de l'esprit de haine, c'est comme ça que vous allez aller. C'est comme ça que vous allez aller. C'est comme ça que vous allez aller. Donc imaginez quelqu'un, nous sommes en 2016, donc les gens ont gardé la haine contre moi pendant 4 ans, cherchant l'occasion de chute. N'en trouvant pas, ils ont trouvé des témoins, un témoin, pour pouvoir en déculer, pour en découdre. Il y a des gens qui cherchent ma chute tout simplement. Des gens qui souhaitent que je fasse pam pour qu'ils se réjouissent que le voilà qui a chuté. Nous, on disait que. En fait, c'est même les prémices là-bas. Il y a des gens qui auraient souhaité que je tombe. Il dit, ça c'est le petit niveau, ça arrive le grand. Mais c'est la dernière fois qu'il fait de telles choses. Quand quelque chose va se passer, même si on dit n'importe quoi, je continue à prêcher ce que j'ai à prêcher. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais faire seulement, je sens de faire ceci parce que cette soeur se trouve au milieu de nous. Parce que certaines choses sont arrivées dans son dos, elle ne connaît pas. Certaines choses sont arrivées, il faut qu'on mette ceci au clair. D'accord, mes frères. Donc, ça, c'est dit que Eli Chabda, c'est toi qui m'adresse. J'espère qu'on aura le courage, elle le courage de m'affronter. Invite-moi dans tes émissions. Je l'invite dans mes émissions. Vous parlez avec qui? Pour qu'elle me tape en studio. Pour qu'elle sorte des machettes. C'est ce qu'elle a dit. Parce que ce que tu as fait, c'est pire que le meurtre. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il dit ce que j'ai fait, c'est pire que le meurtre. Est-ce que vous avez entendu dans cette émission si elle a parlé que elle a dit que son père a été tué, que son mari a été tué par son père? Non. Vous avez entendu? Elle n'a jamais mentionné ça là-bas, n'est-ce pas? Quand elle avait eu la révélation que c'est son père qui a tué son mari. Elle ne peut pas dire cela. C'est pas la cible. Sa cible, c'est pas son père parce qu'elle a bêché son père. C'est Eli Chabda qui est la cible. Et j'ai fait pire que le meurtre. Donc, il n'est pas son père qui a tué le mari de la sœur-ci. Deux fois, tu ne perds pas, tu perds ton mari. Tu ne pleures pas. Tu perds ton enfant, tu ne pleures pas. Tu sais ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un? Donc, c'est toi maintenant. Donc, elle a la peine d'être pour toi. Et, c'est toi, ouais. Soit disant, on a les prophéties. J'ai porté le cadavre du bébé et pesé dans mes mains. L'enfant était en décomposition. Si on avait le temps, on devait suivre ces choses jusqu'à la fin. C'est ça, quand j'ai traversé le salon qu'on veut pour aller enterrer l'enfant, toute la maison sentait le cadavre. Et ses os étaient là-haut, ils n'avaient pas l'enterré. Mais pas la tsunami, ça fait. Ils avaient les versets bibliques, la tsunami. Ils ont toujours les versets bibliques à soutenir. Donc vous avez toujours les versets bibliques à soutenir. Quand on a enterré cet enfant. Dès le départ, tu parlais de sorcellerie. Non, c'est sorcellerie. De magie. C'est la magie antique. Tu ne peux pas sortir devant la présence de Dieu. On va te frapper un enfant devant la porte de son père. Donc, elle dit que l'enfant est sorti. On l'a frappé devant la porte de son père. Donc, ça veut dire qu'elle reconnaît que l'enfant a été frappé devant la porte de son père. Il y a des choses qu'elle a dit là-dedans, mais... Alors que tu sors de la présence de Dieu, c'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Par rapport à ceci, c'est ainsi parle le Seigneur. Par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est écrit de ta soeur, quelque chose écrit dans le cahier, par rapport à ça, ce qu'elle a dit. Et elle saura que je sais le vrai Dieu vivant. Il n'y a pas de pardon qui tient. C'est écrit, il dit, c'est écrit ainsi. C'est écrit dans le livre que je lui ai demandé d'écrire. C'est ta soeur, ma soeur, on va prier pour eux. Mais c'est écrit, c'est à cause de ce qu'elle a prononcé à la radio ainsi, qu'on ne peut pas comprendre qu'on sort de la présence de Dieu, on voit quelque chose nous arrive. C'est ainsi par le Seigneur, c'est noté dans le cahier. Ça va arriver et vous saurez, je reviendrai ici, dans cette même assemblée de cons, l'assemblée des marabouts, l'assemblée de quoi que ce soit, pour vous dire que voici ainsi par le Seigneur qui est arrivé et elle va lire ce qui est écrit dans le cahier. D'accord? Ils seront donc, comme ils sont en retour à la parole et qu'ils ont le Saint-Esprit, on saura de quel côté est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'a parlé de ce qui est écrit là-bas. Ce sera pour donner la leçon. Ce sera pour donner la leçon. Vous entendez des gens disent, un chrétien peut-il être possédé? Il y en a des tas, Je sais, vous commencez, il est minuit 5, minuit 10. Je vais vous laisser partir, vraiment. Vous avez suivi ce qu'elle a dit. Et j'ai dit, ainsi parle le Seigneur a été dit à cause de cela. Ainsi parle le Seigneur a été dit à cause de cela. Donc elle veut dire que normalement, enfin, on va encore entendre le débat là-bas, comme elle sortait de l'assemblée, je rends grâce à Dieu franchement que je n'ai pas été ici à Douala. Si elle avait été à Douala ou bien à l'assemblée, que c'est moi qui avais fait culte ce jour-là, on va dire que c'est moi. Enfin, jusque-là, ils vont dire là-bas que j'ai vendu l'enfant à Moloch. Ils vont dire que c'est même pas la première fois que les enfants, ils sacrifient les enfants chaque fois. C'est dit là-dessus la radio. Mais il veut dire, je ne m'en tiens pas par rapport à ça. Il dit pour sa soeur, elle a dit que est-ce que c'est normal? Elle a posé la question. Est-ce que c'est normal qu'on sort de la présence de Dieu, on est frappé comme ça? Elle aura la réponse. Quand ça va arriver, on sera ici ensemble. Je vais vous réitérer cela ici. Même par rapport à elle, quelque chose est écrit là. Quand ça arrivera, on lira ce qui est écrit. Donc, comme ils ont dit qu'on est plein de fausses prophéties. Les prophéties sont écrites là-bas. Et on va voir Deutéronome 13. Si un prophète qui est suscité, un songeur vient au milieu de vous, comme ils savent lire là, et qui disent des choses et que ça ne s'accomplit pas. Mais c'est eux qui passent le temps à dire à quelqu'un que tu es appelé à servir, tu vas servir de la sédation, mais plus tard tu es sorcier. Donc les prophéties ne vont jamais s'accomplir. S'ils continuent comme ça avec l'état déjà. Alléluia. C'est ainsi parle le Seigneur. On va savoir si c'est le Saint-Esprit qui a parlé. J'ai dit à ma femme que prends ta plume, mettons-nous à genoux ici, écris, il va te dire ce qui va venir. Il écrit quoi que c'est 7 ou 6 choses concernant différentes personnes, certains d'entre eux là-bas, ce qui va arriver là-bas, ce qui va arriver dans leur lieu là. Comme ici c'est le lieu de Satan, ce qui va arriver là-bas. C'est dit, c'est écrit. Je le dis devant vous. La dernière fois, il parlait du marché qui va, de cette personne qui est, je ne sais pas si c'est le supermarché. Subitement, je parlais du marché qui va prendre le feu. J'ai parlé, n'est-ce pas? C'est accompli. Si ça accomplira. Ça s'accomplira. C'est une correction. Quand ça va arriver, la réponse sera maintenant oui ou non, on peut sortir du lieu de Dieu, entre guillemets. Parce que le but, c'est dit, ce n'est pas un lieu de Dieu normalement, qu'on puisse sortir, quelque chose arrive. Parce que vous pouvez sortir ici même maintenant, on part, on vous agresse. Maintenant, quand vous sortez, on sort à minuit. On était décroché ici, on a pris la montée de quelqu'un là-bas. On dit, quelque chose, on a dit, un frère à nous. Ça, c'est ainsi par le Seigneur. Je ne vous donne pas le contenu. Il dit bien, c'est écrit. Voilà mon épouse, c'est écrit. C'est là, c'est elle qui a écrit cela. Avec la date et l'heure. Suivez. C'est ça? Est-ce que la sorcellerie peut atteindre un enfant de Dieu? Non. Ça veut dire qu'on veut rejeter son père. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu. Tu arrives chez toi, la fait frapper de sorcellerie. Vous voyez comment elle parle avec l'énergie. Vous voyez comment elle parle avec l'énergie. Fonctionner dans l'esprit, ce n'est pas gronder ni crier. Et fonctionner dans l'esprit, ce n'est pas toi qui fonctionne dans l'esprit, c'est l'esprit qui te donne dans cette dimension-là. Quand tu ne connais pas où tu te trouves, il ferait mieux de ne pas parler. Parce qu'elle ne sait pas ce qui trame derrière elle. Elle ne sait pas ce qu'elle prend. Elle dit qu'elle va me confronter. Elle souhaite me rencontrer pour que je sais de quel point elle se chauffe. Non, elle va rencontrer le Saint-Esprit qui parle au devant d'elle. Elle va rencontrer le Saint-Esprit qui parle au devant d'elle. Donc elle va me confronter, elle va confronter la personne qui m'a envoyé. Il meurt devant toi. Et il meurt devant tes mains. Et il n'a pas pris la peine de se déplacer. Non, il est trop grand. Vous entendez, n'est-ce pas? Pour y constater ses dégâts. Vous entendez, n'est-ce pas? Il est resté dans son orgueil, dans sa grandeur qui n'a même pas de sens. Mais j'aurai l'occasion de te rencontrer. Oh, j'ai dit, c'est Jésus qui va nous séparer. Ça, c'est ainsi parle le Seigneur. C'est Jésus qui va nous séparer. Elle-même l'a prophétisé contre elle sans s'en rendre compte. C'est Jésus qui va nous séparer. C'est ce qu'elle a dit dans sa parole. Jésus va nous séparer. Et comme elle a dit, c'est bien que les gens qui sont sur Internet sont en train de suivre. Ils sauront quand Jésus-Christ va nous séparer. En plus de cela, ils ont prophétisé même maman là-bas. Vous riez. Ils ont prophétisé maman. Attends, écoutons seulement. Continue à ordonner à ses oies. De continuer à rester. Et quand ils ont constaté que j'ai enterré l'enfant, ils se sont fâchés. Quoi? Qui vont appeler le prophète. On attend le coup de fil du prophète. Parce que sa soeur est en train de faire le boucan ici. Elle a demandé que lui, c'est qui? Attends. Jésus dira qui m'a établi chef et juge. Les affaires de la famille. Les affaires de vos familles. L'église n'est pas là pour s'ingérer dans les affaires familiales. Ils se sont donc ingérés dans les affaires familiales au point où ils m'ont dit pourquoi je n'écoute pas ce que le prophète dit. J'ai dit que c'est le prophète de qui? Vu que c'est qu'on partait même supplier la soeur d'ailleurs, j'ai dit que pardon, qu'elle parte vite. Si elle a l'écoute, elle va dire que c'est vrai. Tu as l'écoute, ma soeur. Tu as pleuré seulement maintenant pour ta soeur. Que Dieu te bénisse. Et je lui ai promis que la prochaine fois qu'elle ouvre sa bouche dedans, je vais la fouetter avec la matière. Donc, je suis une chrétienne, servante du Seigneur. Bientôt, elle sera ordonnée pasteur. Que sa soeur, qu'elle va promettre à sa soeur qu'elle va la frapper avec le machette. Et les gens qui sont en retour à la parole sont sur les antennes. Leur chef est là, celui qui coordonne l'émission. Il n'ose, sans reproche. Vous voyez l'esprit qui anime les gens, n'est-ce pas? Là, donc, on comprend la soeur est blessée. Ne blessez pas le comportement de ce gourou. Ne blessez pas le comportement de ce charlatan. Prophète. Le problème, c'est que les soeurs ne sont même pas la bonne de nouveau. Tu ne vas pas parler un langage qu'ils ne comprennent pas. Parce que... donc vous n'êtes pas né de nouveau. Donc, par conséquent, son langage, quand il parle, vous ne comprenez pas. Si tu connais Jésus, tu aurais peur de faire certaines choses. Comme par exemple, tu es tapé quelqu'un avec la machette. Pas vrai? C'est clair. Mais si tu ne connais pas Jésus, il faut qu'on te parle selon le langage que tu comprends. Elles ont compris le langage là. Elles ont fui. Non, elles ont pris vraiment marathon. Ça. Ah, écoute, quand quelqu'un se lève avec la machette. Pourquoi vous riez? On parle de vous là maintenant. Je vous ai dit qu'on va vous insulter, vous aussi. Hein? C'est la comédie, comment? Comment tu dis la comédie? C'est l'émission Retour à la parole. Mais c'est légitime en tout cas. C'est légitime. Pourquoi la police devait descendre sur les lieux et enfermer les gens inutilement? Ou bien les gens devaient dire que peut-être si le corps avait un problème, on devait être commencé à tomber là-bas chacun un à un sans savoir qu'est-ce qui n'allait pas sur ce corps. Une contamination, on ne connaît pas. On est là, on est assis. Le prophète a dit que le prophète lui-même est où? Jusqu'à l'heure où je vous parle là, j'ai pas vu le prophète là. Doré souhaite me voir, pas vrai? Elle a déjà dit que c'est Jésus qui va nous séparer. Jusqu'à présent. Tu essaies de la rencontrer, non? Ouais, je vais le rencontrer. Ouh, qui monte, qui descend, je vais le rencontrer. Si il est toujours vivant. Vous avez entendu? Vous avez entendu, frère? Voici mon épouse. Mon épouse est témoin que je n'ai jamais mis les genoux par terre pour prier contre quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Avant que nous ne venions même ici, elle m'a trouvé à genoux en train de prier. Elle me regarde comme ça, parce qu'elle savait ce qu'elle veut faire. Elle me regarde, elle dit, je dis non chérie, ne prie pas contre eux. Ils sont en train de dire que Seigneur, donne-moi encore la miséricorde et la grâce pour que je les aime davantage. C'est ça qu'elle est en train de prier. Elle a dit, ah. Ma femme, elle croyait qu'elle dit que Seigneur, j'envoie le feu sur autrui. J'envoie le feu. Tiens, écoutez, je ne peux pas dire à Dieu, je ne peux pas aller devant le Seigneur que je sais en disant que Seigneur, tu as écouté ce qu'ils ont dit. Ce sera insulter le Seigneur, pas vrai? Ne pose pas la question, ne fais pas cas de cela. Que Seigneur, tu as écouté ce qu'ils ont dit. Prononce le jugement, ou fais quoi que ce soit. Je ne ferai jamais de telles choses parce que je connais très bien celui qui m'a appelé. Je connais très bien celui qui m'a appelé, je connais ses façons d'agir. Je reste dans le silence. Reste dans le silence et qu'il agisse. Donc cette personne s'y dit. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore vu. Je crois que je vais le rencontrer. Celui-là dit s'il est encore vivant. Ce sont des gens qui ont l'esprit de Dieu, qui sont nés de nouveau. Et dans leur émission, ils ont dit que j'espère que tu as dû m'écouter ce soir. Mais l'autre dit encore qu'il espère que je suis vivant. Ok. Parce que la parole de Dieu pour eux, c'est trop fort. Je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent ce soir. J'espère que Billy connaît, j'espère que tu as l'écoute. J'écoute très bien. Tu l'encourages beaucoup dans ton émission, que la crainte de l'Éternel. Ouais, les personnes qui veulent collaborer, qui viennent. Voilà, en fait, depuis qu'ils écoutent l'émission, ils sont... Je ne vais pas dire qu'ils sont jaloux. Je ne me permettrai pas de dire cela. Ils sont dérangés. Souvenez-vous, depuis 2012, ils aimaient que ce soit eux qui prêchent ces paroles-là. Ils aimaient que ce soit eux qui disent quelque chose. Donc ils sont d'avertis comme ça, Billy Cola qui présente avec moi l'émission, que la crainte du Seigneur soit sur moi. Première chose, je n'ai jamais appelé Billy Cola pour présenter une émission. Je n'ai jamais appelé à une émission ou à une radio que je souhaite parler de quoi que ce soit dans une radio. C'est-à-dire, personne ni aucun être humain ne peut me manipuler, ni me faire parler. Déjà, plusieurs personnes m'ont même contacté qui parlent à la télévision, dit que je n'ai pas reçu l'ordre du Seigneur de passer à la télé, à la télévision. Plusieurs. Même après la conférence, il y avait un programme à Canal 2, Canal Plus, ou c'est Canal quoi, Canal de vie. On a dit que c'est MTN qui a organisé, qu'on vient pour des exposés. J'ai dit que je n'ai pas reçu d'ordre d'aller à la télévision. Quand je vais avoir l'ordre de la télévision, j'irai. Si quelqu'un m'appelle à la radio, j'irai. Bon, il y a certaines choses qui se passent avec l'émission que la personne détenait depuis quelques mois. Ils sont allés suivre cela d'après le Seigneur. Quand ils sont allés là-bas, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit par rapport à cela. Que je suis allé suivre jusqu'à ce que l'événement commence à se produire. Vous savez, c'est ça, n'est-ce pas? Par rapport à certains enseignements. Donc ça choque. Donc il utilise maintenant ça le canal pour parler à Billy Cola, parce que Billy Cola était l'un de leurs ou bien quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne pose pas de questions, je n'entre pas dans les détails. Je ne prends pas de renseignements. Si Dieu veut me révéler, il me révèle. S'il me révèle, pas il me révèle. Mais m'assois, souvenez-vous, Jésus s'assied avec Judas, il parle avec lui, il mange avec lui, sachant ce qu'il va lui arriver. Donc il m'assoit avec n'importe qui je parle, même si tu vas me tuer, tu me tues plus tard. Tu ne pourras faire que ce que Dieu aura ordonné que tu fasses sur moi. Si n'importe quoi m'arrive, Dieu l'aurait permis. Mais ce qu'il veut vérifier, c'est que je fasse n'importe quoi, que n'importe quoi m'arrive, que je ne sois pas fautif. C'est-à-dire que je sois sous la volonté de Dieu. Si je regarde, j'observe devant, j'observe derrière, j'observe à côté de moi, avant, en haut, en bas, juste à la volonté de Dieu, tout ce que j'ai à faire, c'est de rester calme. Vous devez en faire autant. Vous devez en faire autant. Faites tout et tout pour que tout ce qu'on vous reproche, que vous n'en soyez pas au courant, quoi, fautif. Si on vous reproche et vous êtes fautif, demandez pardon à Dieu, même si on continue à parler de vous. Souvenez-vous de cette femme de Jean, chapitre 8. On reprochait d'être adultère. Elle était vraiment adultère. Mais les gens ont laissé, les gens qui la condamnaient ont laissé, pardonner, été pardonné au Seigneur. Donc le lendemain, si les gens la voient, on dit que c'est toi l'adultère, ils sont déportés le prix du péché. Vous savez, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Quoi que. Donc, vous êtes là. Donc, ils sont allés mettre la pression là, sur Billy Cola par rapport à l'émission qu'on nous présente, parce que ça les dérange. Comme un frère m'a dit aussi aujourd'hui en France, il dit que frère, je vais te dire quelque chose. Tu les déranges. Ton enseignement les dérange. C'est ce que Dieu m'a révélé. C'est pas moi qui dis, c'est une personne en France. Suivez. Tu ne crains même pas Dieu. Le moment de l'émission même, c'est la crainte et la crainte. Il n'a aucune crainte de l'éternel. Aucune. Est-ce que tu peux entendre qu'une de tes sœurs chrétiennes a un problème? Tu peux l'encourager dans des bêtises comme ça? On ne peut pas trouver ça. C'est même pas le problème.